Le son de Major Lazer avec la voix de Justin Bieber. Et ça bouge pas par rapport au classement de la semaine dernière. Toujours classé numéro 1, Major Lazer avec Cold Water. Numéro 2, ça bouge pas non plus hein, pour le son de Justin avec Can't Stop the Feeling sur Skyrock pour clôturer le 8 US de ce dimanche soir. Merci Steph. Bah de rien, écoute, tiens, 0-0 aussi, on parle de foot entre le dernier match de la 3ème journée de la Ligue 1. Ouais, ça démarre plus tôt les matchs maintenant. Ouais, ça démarre plus à 21h. Tu es triste, Vincent. Bah ouais, ça nous fait un quart d'heure en moins à suivre. Et moi, du coup, ça me fait un quart d'heure en plus parce que voilà. Je peux en parler pendant le 8 US. Non, il y a 0-0 entre Monaco et le Paris Saint-Germain. Et bien évidemment, pendant la spéciale, il y aura moyen de se tenir au courant parce qu'on est premier sur le foot. Eh oui, toujours. Bah, premier sur le 8 US. Steph, on te retrouve dimanche prochain à partir de 20h pour un tout nouveau classement. Exactement, les sons qui déchirent aux États-Unis. Je serai là dimanche prochain. Puis là, on y va pour la spéciale. La spéciale de D-Fool. 21h minuit sur Skyrock. La spéciale de D-Fool qui fait son grand retour. Super content de vous retrouver le dimanche soir. Les moments les plus ouf de la radio libre. On vous a calé une grosse soirée. On aura Jules ce soir, le passage de Jules dans l'émission pour attaquer cette spéciale. On va parler des conneries qu'on fait quand on est bourré. On aura également José, lui, il a vécu la même histoire que Camini. C'était le seul black dans un tout petit village de 800 habitants. Il va vous raconter dans l'émission. On ouvrira aussi un grand dossier sadomasochisme avec un témoignage complètement hallucinant, celui de Capucine. Il y aura des pervers avec Philippe, un tout nouveau pervers dans le répondeur de Pamela. On parlera des pervers sur Periscope, de baise entre cousins, de snap de cul. On sera également le problème du mois de Romano, le récap du top bug aussi de Romano. Et puis cette spéciale, on va l'attaquer tout de suite avec un double appel. Voilà, on avait envie de démarrer la spéciale avec le double appel. On y va tout de suite hein, pour réagir à l'émission. Faites péter le hashtag, c'est la spéciale de D-Fool. On y va jusqu'à minuit sur Skyrock. Mon téléphone il déconne. Qu'est-ce que je n'en fous, ton téléphone il déconne. Aucun des deux n'a appelé l'autre. Je ne sais pas moi. Le double appel de D-Fool sur Skyrock. Encule le quoi? Bah c'est une bonne question, dites donc les familles. Ouais, encule le quoi? Mais encule le quoi, dis donc. Bon alors c'est parti, vous nous laissez des numéros de téléphone. Alors là on a récupéré les numéros que vous avez laissés depuis le début de la semaine, on les teste depuis tout à l'heure. Allô? Oui. Allô? C'est qui? Ah c'est qui? Vous m'appelez? Alors vous, j'appelle personne. C'est que vous arrêtez pas de m'appeler. Non, ça fait 3 fois que vous m'appelez, là. Vous avez arrêté vos conneries. Allô? Allô? Oui. Elle, parce que là, ça commence à me gaver, hein. Bah, c'est allô? Vous qui me gavez, c'est vous qui m'appelez. Alors arrêtez, je vais appeler les flics. Bah, appelez les flics, hein, moi, j'y peux rien. Hein. Bah, arrêtez d'appeler. Bah, je vous ai appelé, je décroche plus, d'accord? Allô? Allô? Oui. Arrêtez. Moi je suis à l'autre bout de ma pièce quand je suis de l'autre côté du téléphone. Quand je pose, je raccroche. Alors arrêtez. Écoutez-moi. C'est la dernière fois. Non mais je. Écoutez deux secondes. Je vous jure hein, qu'on n'appelle pas. Vous êtes d'où? Je suis de Lérouville. De où? De Lérouville dans la Meuse. Et vous? Moi de l'Auvergne. Ah bah là je vous jure que on a un appel, ça met appel masqué, mais je vous jure qu'on n'appelle pas. Ah bah moi c'est pareil là. Je vous ai eu 2 fois et j'ai eu 3 fois une femme. Ah Marie. Vous aussi non? Comment? Allô? Allô oui. Vous avez eu une femme aussi avant ou pas? Non pas du tout non. Vous m'avez eu 2 fois alors? Oui. C'est ça. Mais nous, ça vous. Là, nous, on vient de vous avoir 2 fois et on a eu une femme 3 fois avant. Mais je voulais. Je vous jure qu'on n'appelle pas, hein. Au revoir. Bon, n'importe comment. Si ça sonne, je décroche plus, moi, hein. Allô? Allô? Oui? Oui, je sais pas ce qu'il y a eu, là, mais. Si ça rappelle, vous décrochez plus et moi non plus. Oh, il y a des chevaux là. Oui, j'entends les chevaux là. Là, il y a les canards là. Cédric. Oh, c'est une connerie ça. Vous raccrochez parce que. Bon, je raccroche hein, parce que je veux pas être emmerdé. Ça piraté ou encore. Voilà, très bien. Des piratés. Oh, des piratés. Et pour terminer, hein. Merci à toute notre ménagerie, notre zoo ce soir qui est venu nous rendre visite. Merci. Oh là, il y a des canards. Dans l'enclos. Oh, il y a un éléphant. Oui. Oh, il y a un éléphant et un cheval. Et l'autre, il est parti avant, il en pouvait plus. Le mec, ouais, l'autre était là, ouais, ouais, ok, là, d'accord, c'est bon. C'est vrai ça qu'il va... mange la tête un peu, là, le mec. Non, mais l'autre expliquait bien tout ce qui s'est passé. Ah non, mais l'autre, je passais trois fois, il y a eu une femme. Allez, c'est bon, ouais, l'autre, il est parti entre temps. Allez, je vous laisse, là. Voilà, je vais vous laisser. J'en peux plus le lourdeau. Il l'a laissé avec sa ménagerie. C'était. Oh, il y a les connards. Les connards. Oh, Cédric. En tout cas, merci à Henri et Fred, parce que on nous demande le prénom du premier du 55, parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un que je connais. Eh bien, écoute, c'est Stat qui nous laisse le message. Stat, il s'appelait Henri dans le 55, et l'autre c'était Fred de l'Auvergne. Eh ben bah voilà. Pour le, allô. Allô. Ouais, c'est qui? Allô. C'est qui? Tu es qui, toi? Eh, hey, gros fils de pute! Oui? T'as bien entendu, gros fils de pute de ta mère, la chienne! Oui? D'accord. Je t'écoute. D'accord, bah. Hein, je t'écoute. Ah merde, on n'aura pas la suite. Eh ben, on a que de la gueule. Vous avez vu comme j'étais impressionné? Eh, hey, gros fils de pute de ta mère, la chienne! Ah, tu es de retour, c'est pas chez moi, d'accord? Pourquoi tu. Tu es enculé, va! Mais pourquoi tu es aussi agressif que ça, toi? Faut se calmer, man. On t'entend mal, est-ce que tu peux parler plus fort? Oui. D'accord, gros fils de Allô pute. Là. Oui. Allô? T'es qui toi? Tu fais peur à la dame. T'es qui toi? Je te dis que tu fais peur. Tu m'en bats les couilles de ta dame là. T'es qui toi? Tu fais peur à la dame, tu vois l'autre. T'es qui toi? Elle s'est barrée, elle a eu peur. Eh, hey, t'es qui toi, gros fils de pute, va? Bélou? T'es qui toi? Alors tu veux savoir qui je suis? Je vais te ouais, dire. Ouais, je veux savoir qui t'es, toi. Patrick. Bâtard, va. Qu'est-ce que tu m'appelles chez moi, toi? T'es Il qui faut que tu t'encules là. Patrick. Moi, tu m'encules, moi? Oui. Dis-moi où tu es, toi. Et moi, toi. Gros bâtard, va. Tiens, tu veux savoir mon prénom? Ouais, je veux savoir ton nom, ton prénom. On va voir si tu joues le malin. Alors, écoute bien, moi... Ouais, c'est... gros fils de pute, va. C'est tout T'es ça. T'es qui, toi? C'est Cédric. Ouais, je m'en bats les couilles de Cédric. T'es qui, toi? C'est Cédric. Ouais. Cédric qui? C'est Cédric. Cédric qui? C'est Cédric. Ah, t'es un malin, toi. Alors. J'ai pris ma belle boîte, j'ai une bonne mythe là, bien. Allô? Ouais, gros fils de pute, va. T'es un malin, tu joues avec ton téléphone, t'es. C'est bon? C'est bon, ça va, ça va. Rends-toi un peu là. Je suis en train de masturber là. Vous avez envie de vous masturber un petit peu, non? Avec un god et tout ça. Pas plus. J'ai plus envie. Allô? T'es qui toi? Patrick. C'est Cédric. Patrick. Salut les filles. Bien sûr, ouais. Attends. Bouge pas. Allô? T'es qui toi? Bon. Eh bien, c'était l'appel. T'es qui toi? C'est la spéciale du dimanche soir avec le meilleur de Difool sur Skyrock. On va parler alcool aussi avec vous, les filles. Un sondage spécial sur vous. Tiens, je vais vous rappeler le sondage pour ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce matin. On en a parlé ce matin dans le. À la tienne, Étienne. Un sondage que l'on a découvert. Les filles boivent autant que les garçons pratiquement maintenant. Hein. Et elles commencent à. C'est pas surprenant. Des vrais poches à vin, quoi. Ouais. Et alors, attendez. Des poivrottes. Alors, elles boivent. Bon, elles boivent. Hein. À l'occasion d'un truc spécial pour 28%, une ou deux fois par mois pour 19%, une fois par semaine pour 20%, et tous les jours pour 11%. Dans quelle catégorie tu te classes, Marie? Bah, tous les jours, presque. Le max. Et tous les jours, presque, on enlève presque le presque. De ouais, bah non, si, parce que par exemple, presque. Samedi, j'ai pas bu. Non, j'ai pas bu, j'ai dormi parce que j'étais saoul de vendredi soir. Mais j'étais ivre-morte. Ivre-morte. Vous savez que je me suis réveillé dimanche matin. Décabané. T'es dormi entre vendredi soir et dimanche matin non-stop. Même pas. Mais en fait, ton truc, c'est sur la fréquence, c'est pas sur la quantité. La quantité, si au bout de combien de verres vous êtes généralement saoul, les filles. Alors, un verre, 5%. 2-3 verres, pardon. 35%. Ah, moi, ouais, je dirais ça. Hey, Marie, elle a un carrière. Attendez. 2-3 verres, je les recadrerai direct. Attention à ce que tu dis, Romano. Marie, attends, Romano, ouais. Il veille. Ah, bah, bien sûr, ouais. Ce matin, carriole 2-3 verres, j'ai dit, mais 2-3 verres, c'est tour de chauffe, quoi. Donc, au bout de combien de verres vous êtes généralement sous? 1 verre, 5%. 2-3 verres, 35%. 4 à 6 verres, 45%. Et plus de 7 verres, 15%, c'est ceux qui tiennent. C'est Marie, ça. Celles qui tiennent bien l'alcool. Ça dépend des verres. Ouais, c'est, ah, bah, moi aussi, j'ai eu la même réflexion. C'est une réflexion d'alcoolique. Ce qu'ils n'ont pas pensé. Les sondeurs. Non, c'est vrai. C'est vrai que si tu prends des verres de bière ou des verres de vodka, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est clair. Le jour où les femmes boivent le plus, c'est le Samedi, le oui, samedi soir. Ouais, bah les hommes aussi, hein, ça va être pareil. Et le jour où les femmes boivent le moins, c'est le lundi. Non, le mardi. Mardi. Lundi, elle boit encore. Le lundi, elle décuve, reste super. C'est le mardi où vous êtes les plus sobres, les filles. Bon, et puis le sondage se termine par le chiffre du sondage. Une femme sur deux a déjà regretté son comportement sexuel sous l'emprise de l'alcool. Ah ouais. Et il y a Sarah qui est avec nous en ligne. Bonjour Sarah, Sarah de Bordeaux. Salut l'équipe. Salut Sarah. Salut Sarah. Comment vas-tu? Ouais, ça va, ça me fait grand plaisir de vous avoir, ça fait super. C'est gentil. Je l'écoute et je pensais pas passer. Eh ben écoute, tu appelles en plus pour un sujet qui va te redorer ton image, ma belle Sarah, puisque nous avons parlé de tes cuites, du comportement que tu as pendant que tu es bourré. C'est une poche. Est-ce que tu as déjà regretté d'être bourré? Est-ce que vous avez déjà regretté votre comportement sexuel? Alors, on parlait des filles, mais les gars, vous pouvez réagir aussi, allez-y. Hein. Bah, je bois jamais. Ça c'est bien, c'est Ezio qui nous envoie le message. Comme ça, il y a pas de risque. Je vois jamais. Je me pète à la bœuf, donc. Ah, ah, c'est ouais, pas bien la fin du message. C'est quoi, je bois jamais, mais je me pète à la bœuf. Chacun a son vice. Oui, ouais, c'est ça. Ah oui, c'est vrai, ouais. Ah, j'avais pas vu la fin du message. Salut Ezio. Donc j'enlève le c'est bien que j'avais dit tout à l'heure. Non, c'est pas, pas bien. Forcément bien. Bon, après, il y en a qui se pètent la gueule aux deux. Hein. Et je trouve que la bœuf, c'est moins violent que l'alcool. Après, ça doit dépendre des gens. Écoute, ça dépend ce que tu te mets dans la gueule. Ouais. Tout à fait, c'est vrai aussi. Tout dépend de ce que tu te fous. Non, mais moi, je sais que par exemple, quand je vais en Hollande et que je fume de la bœuf. Bah, le lendemain, quand je me réveille, je suis dans le coltard, tu vois. Ah, bah, clairement, ouais. Mais c'est pas la même. C'est pas le même coltard que si je m'étais pris une murge la veille. C'est vrai. Et donc, toi, Sarah. Mais j'ai jamais été malade, quoi que si. Une fois, j'avais tellement fumé que j'ai dégueulé, quoi. Je dégueulais. Ça m'est arrivé aussi, moi. Je dégueulais de la bœuf, quoi. Ah, ça m'est arrivé au Maroc, moi. Je suis pas, putain, j'ai tiré. Ça m'a tourné la tête. J'ai fait j'ai fait tirer. Mais pas moi, non Marie, parce que t'avais pas. Et j'ai dégobillé. Tu bois beaucoup, toi, Sarah, ou alors c'est occasionnel de temps à temps, de temps à autre? Non, à peu près un week-end sur deux. Ah, ça va, c'est occasionnel. Donc un week-end sur deux, tu te réveilles avec un mal de tête le dimanche matin, c'est ça? Ouais, légèrement. Je me suis retrouvée. Non mais moi, c'est ce que j'aime pas pour l'alcool, là, c'est que tu te réveilles, ouais. Tu te réveilles avec un mal de tête, avec un mal de tête ce matin. Non mais pas forcément. Pas toujours. Hein. Ah. Déjà, un premier truc qu'il faut pas faire, c'est des mélanges. Les mélanges, ah ouais. C'est-à-dire que quand tu commences sur un alcool, faut continuer sur cet alcool-là, si faut jamais changer. Tu prends du vin ou du champagne toute la soirée. Ouais, ou de la vodka. Et puis la soirée, elle te revient à 300 €. Non mais si vous êtes en boîte, par exemple, t'as la vodka, il faut rester à la vodka. Si tu commences à boire une vodka, un whisky, un gin, une tequila, tu peux être sûr, déjà, tu vas être malade. Et, et le lendemain matin, tu vas être mal. Tu vas avoir sinon, mal à la tête. Que de la bière, c'est bien parce que ça dure longtemps, c'est frais. Et c'est beaucoup moins fort. Toute l'eau de la Marie, elle travaille pour Heineken. Soirée bière, elle a raison, Marie. Ouais. Non, mais c'est clair. Tiens, hein. Alors attention, il y a des trucs dangereux. Tu vas nous dire ce que t'as fait quand t'étais bourré, mais il y a Ben là, qui nous envoie un message et qui dit: moi, j'ai mangé les croquettes de mon chien à quatre pattes devant mes potes. Oh non. En faisant, c'est bon et bon appétit, bien sûr. Ça date de il y a 10 ans maintenant. Il a 28 ans, donc à 18 ans, tu mangeais des croquettes de chien. Oh, c'est bien putain. Noté. Amy du 974. Elle a connu son mec bourré en boîte. Une cuite qui a duré 5 ans. Quand je vois le résultat aujourd'hui, a priori, tu n'es plus avec ton mec. Ah oui, c'est mon ex. Tu t'es réveillé. Ah ben voilà. En effet, ouais, tu ne. Bah, ça a duré 5 ans, c'est 5 ans d'amour, tu vois. Ouais. Les Anglaises ont une réputation, elles aiment baiser en étant alcoolisées, on nous dit aussi, là, ah tiens. Bon? Ouais, moi, le seul jour où j'étais bourré, j'ai rencontré mon copain avec lequel je suis depuis un an. Mais il n'a pas eu peur. C'est mignon, ça, dis mais donc. Il était peut-être bourré aussi. Non, mais il y a bourré et bourré. C'est Lily, c'est une fille. Ouais, il y a bourré et bourré, parce que bourré. Il y en a, ils sont des cabanés, ouais, ils roulent par terre et tout. J'ai couché avec la copine d'un pote, on était tous les deux complètement bourrés, mais c'était bon. Ça, c'est le message de Johan. Quand le pote, il a dû moyennement apprécier. C'est le retour, qui est pas bon, On était avec ma nana en soirée, on a fait l'amour dans la cuisine alors que les autres étaient à côté. L'alcool nous a bien aidé. C'est le sapeur-pompier du 61. Mounir qui nous dit: moi, j'ai failli coucher avec un cheval en bois à cause de l'alcool. Oh putain. Tu étais très excité par le cheval en bois. Ah ouais, mais là, faut arrêter. Un cheval à bascule. Non, mais c'est à double tranchant l'alcool quand tu baises en fait. Tu peux ne pas bander du tout. Enfin, je parle pour les mecs et puis oui, pas pour toi, envie. Marie, rassure-nous quand même. Oui, non, ça c'est clair, là, je te confirme. Je bande pas. Ou alors, ça peut être canon. Et Amnesia Ace qui nous fait: moi, je suis tombé de 4 mètres de haut, fracturé une lombaire et le poignet. Depuis, je bois plus, bah, je comprends que ça te calme. Par contre, je fume de la bœuf. J'étais tombé dans le cimetière. Ah ouais, qui avait failli s'empaler sur une croix. Ouais, sur une croix, ouais, il allait mourir. Moi, en ce moment, quand je vois des mecs bourrés dans la rue, je sais pas pourquoi les mecs, ils se battent contre les sucer. Non, ils se battent contre des poubelles. Ah, c'est sympa. Ça vous est jamais arrivé de tomber sur un mec qui se bat contre une poubelle? Non, moi j'ai eu un pote qui s'est battu contre une statue déjà. Ah mais il est con par contre. Ouais, un mec qui a parlé à lui-même dans ouais, qui se regarde la. Je crois qu'il est pas con. Non mais la mais poubelle, tu peux la faire tomber et croire que tu l'as battu, mais une statue c'est chaud quand même. Ah mais une statue au moins ça représente un être tu sais un être humain quoi. Ouais, mais justement, une poubelle qui se met battre contre une poubelle. J'ai jamais eu des plaques battre contre un arbre. Tu sais qui sont engueulés contre eux-mêmes dans un miroir, ça arrive ça aussi. Non, mais Romano l'a fait net, il s'est dit bonjour dans une glace une fois. Oui, non mais c'est vrai. Le mec s'est parlé. Le con. J'étais dans un couloir, je me souviens, il y a Non mais j'avais été voir Fred de Planète Rap qui faisait un truc, il tournait un truc et je me souviens il y avait même Cathy Guetta, j'étais dans le couloir et la femme de David Guetta. Et il y avait une grande l'ex-femme. L'ex-femme. Oui, l'ex. Il y avait un grand miroir, tu sais, qui faisait tout un mur et je sais pas, j'étais contre le truc et à un moment donné je me retourne et je vois un mec et je fais bonjour. C'était toi. Et je me suis rendu compte que c'était moi, mais après, tu vois. Heureusement, il n'y a personne qui m'a vu, parce qu'ils avaient cramé. Non, mais imagine, t'imagines, les mecs qui se disent, ouais, celui-là, il est ravagé. T'es con. Limite, je me faisais sortir par la sécu, quoi. Et t'étais net. Ah ouais, net, bah, ouais, c'est ça. C'est bien ça le plus triste. C'est rassurant. Mais je sais pas si vous vous rappelez aussi une fois, il y a le politicien qui était venu, François Bayrou. Oui. Ouais. Alors, ouais, il est rentré dans le bureau de Laurent Bouneau, et dans le bureau de Laurent Bouneau, il y a une grande statue de Tony Montana. Ouais. Et François Bayrou, il serre la main. Il a fait un check. Ouais, il serre la main à Laurent Bouneau. Non, à Laurent Bouneau. Et après, il se dirige vers la statue, lui tend la main, lui dit bonjour. C'était la statue. Mais ouais, il s'est rendu compte. Et après, il a vite enlevé sa main. La statue, elle lui a mis une crampe. Véridique. Tu passes pour un con, quoi. Oui. Tiens, moi, j'ai fait l'amour avec mon homme quand il était bourré. C'était un super bon coup. Ah, ça veut dire que quand il est pas bourré, c'est pas un super bon coup. Il va finir alcoolique, lui. C'est Lilo qui nous envoie le message. Non, mais ça désinhibe. Donc, quelquefois, tu fais des trucs. Ouais, c'est ça, voilà. Tu fais des trucs que tu ferais pas. On a passé une soirée à se rouler des pelles avec ma cousine, tiens, aussi. Ah, bah, tiens, sympa, en famille. Oui, en famille. Et toi, Sarah, alors, qu'est-ce qui t'est arrivé, toi, Sarah, avec l'alcool? Bah moi c'était quand j'étais un peu plus jeune en fait, je me suis retrouvée, ben j'étais à une soirée, à une fête de village et en fait le lendemain je me suis retrouvée chez moi, alors on va savoir comment j'étais rentrée chez moi, sachant qu'il devait y avoir à peu près une demi-heure de voiture pour rentrer chez moi. Mmh. Je me suis retrouvée chez moi au pied de mon lit, donc pas du tout dans mon lit, pas à la place où je devais être. Et non mais déjà un truc pas mal c'est que toi tu t'es pas réveillée dans un caniveau par exemple. Ah mais je me suis déjà retrouvée après dans des placards à balais ou des trucs comme ça. Mais après, oui mais si c'est chez toi ça va. Toi. C'est mieux de se retrouver dans un placard à balais chez toi plutôt que dans un lit d'un mec que tu ne connais pas et que tu n'as jamais vrai, vu. Ouais, c'est vrai. Ah même quand tu te réveilles tu te dis putain qu'est-ce que je fous. Ouais mais le problème c'est quand tu sais pas comment t'es rentré chez toi, tu psychotes, tu te dis ouais qui m'a ramené, qu'est-ce qu'on m'a fait, tout ça. Bah ouais c'est ça le plus flippant ouais parce que du coup je me suis posé mille questions, je savais pas où est-ce que qui m'avait ramené, je savais pas comment j'étais rentrée. Alors du coup quand t'as des trous noirs comme ça tu flippes trop parce que tu sais pas ce qui s'est passé et franchement c'est horrible. Ouais, ouais. J'aime pas non plus moi. Mais non, le truc que tu fais c'est que tu regardes ton portable voir à qui t'a envoyé des messages, qui t'a appelé, si t'as ta carte bleue. Ouais déjà tu regardes. Si t'as une clé de chez toi. Si tu regardes si t'as tout. Ouais c'est ça ouais. T'as tout l'argent que t'avais dans tes poches et que l'argent n'a pas disparu. Ouais c'est ça ouais. Marie toi il t'est arrivé de t'endormir dans des chiottes le cul à l'air. Ouais une fois ouais. Ouais voilà. Ouais, ça m'a plus. C'est quand même mieux de s'endormir au pied de son lit comme toi, Sarah, plutôt que comme Marie, le cul en l'air dans des chiottes. Ah, bah, je me suis fait réveiller un coup de bite dans mon pion. Non, mais jamais de la vie, c'est mon meilleur ami qui m'a. Ah, bah, ça m'a bien réveillé. Ah, bah, j'imagine, Marie, Non, mais ça va, non, mais ça va, on était seuls dans la boîte, heureusement. Parce que... Bon, alors, les problèmes de l'alcool, on peut y revenir d'ici minuit, hein, si vous voulez témoigner. Ah, ouais, là-dessus. Bah, sans problème. Ça peut faire fil rouge dans la soirée. La spéciale du dimanche soir, le meilleur de Difool. What the fuck? Jusqu'à minuit sur Skyrock. On va même en reparler dans moins d'une demi-heure. La spéciale de Difool, on est de retour, hein, le dimanche soir sur Skyrock. Les moments les plus dingues de la radio libre avec l'arrivée de José. José, il a vécu la même histoire que Camini. C'était le seul black dans un tout petit village dans les Pyrénées. Il va vous raconter. On va parler également des spoilers, des spoils de séries. On vous permettra aussi de vous inscrire au jeu des 1 500 € qui revient demain matin sur Skyrock dans le morning de Difool. Il y a 1-0 pour Monaco contre le Paris Saint-Germain en Suisse. En direct, on se met Alonso. Maintenant, Alonso des psychiatres de la rime avec Binta. Demain matin, ils vont tous se réveiller sur Skyrock. Hi, this is Rihanna. Maître Gims. Hey, it's Beyoncé. Salut, c'est Romano. Wesh, l'équipe, c'est Jules. C'est Sabrina. Hey, this is Justin Timberlake. Salut, c'est Difool. Salut, Difool, c'est Momo du 4-2. This is Bruno Mars. Bonjour, c'est Pamela. This is Eminem. The Morning Show. Toi aussi, rejoins-nous demain matin en direct de la part dès 6h pour le retour du morning de Difool avec 1 500 € à gagner toutes les 30 minutes si tu réponds que ta radio préférée c'est Skyrock. 6h-9h. C'est le morning de Difool sur Skyrock. Salut, c'est Mister V. Cet été, ça fout quoi? Ça va louer le gamin, ça va payer des tailles, ça va sortir en club, ça va se bourrer la gueule, ouais. Et tu comptais rentrer comment après? Tu comptais conduire? T'es con, Didier, bordel! Non, fais plutôt confiance au poteau Sam. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui boit pas. Comme ça, tu seras en vie à la rentrée pour venir voir le groupe sur scène. Alors dis merci à Sam. Allez, merci Sam, c'est vraiment sympa. Mesdames,

Salut. Salut, Yannon. Bon alors, Fabio, okay. dis-nous pourquoi tu nous appelles, toi, Fabio. Alors, moi, je vous appelle parce que, en fait, je suis en famille d'accueil. Ouais. Et ah, t'es passé à la télé alors, parce que j'ai vu sur. Il y avait un truc comme ça qui s'appelait Famille d'accueil à la télé. Mais t'es con, pfff. Ouais, c'est bah, pourquoi t'es en famille d'accueil toi, Fabio? Bah, parce que ma mère, elle avait des problèmes d'argent, elle voulait que je sois en sécurité en fait. D'accord, donc elle t'a mis dans une famille d'accueil, mais t'as de bons rapports avec ta mère encore? Ouais. D'accord, t'es en famille d'accueil depuis quel âge là, t'as 14? Depuis que j'ai 8 ans. Ah ouais, et ça te fait souffrir ça, ou tu le vis bien, tu le vis mal, t'as mis à ta famille d'accueil, ta maman te manque, tu trouves ça bizarre par rapport aux autres? Je t'ai posé 20 questions, alors réponds maintenant. Ouais. Et dans l'ordre. Non, ouais, en fait, j'avais appelé Marie. Ouais, je t'avais eu, je pense que... C'est quoi? La tutrice, c'est la dame qui est dans la famille, qui est en gros, qui a le rôle de toi. Le rôle de ta maman ou de la personne qui s'occupe de toi. Voilà. D'accord. Et avec elle, ça se passe bien? Ouais, ça se passe bien, mais je l'aime pas trop, en fait. Ouais, parce qu'elle est un peu stricte, je crois. Ah, elle est serrée à la maison. Ouais, c'est ça. Vous ouais. êtes plusieurs ouais. dans la famille d'accueil? Vous êtes combien? Non, moi je suis tout seul. Bon, on va te mettre en contact avec José, parce que lui, il était dans une famille d'accueil. Bon, il a 25 ans aujourd'hui, une famille d'accueil perdue à la campagne. Et donc José, raconte-nous un petit peu. Salut José. Salut. Salut à toi. C'est gentil d'appeler pour... Bah d'ailleurs, vous êtes plein à avoir laissé des messages pour Fabio. Et vous êtes plein dans des familles d'accueil? Ou alors, vous êtes très très très très nombreux à nous écouter et vous êtes mobilisés à fond pour Fabio, c'est gentil. Ah, il y a eu plein de messages. Qu'est-ce qui t'est arrivé toi, José? Alors moi c'était un peu particulier. Du coup moi j'ai été placé dans une famille d'accueil genre quand j'avais 7 ans. Oui. Mais José du Portugal? Portugal? Eh non, pas du tout. Mais alors là, t'es pas Portugal? Plus au sud. Non Portugal. Ah non Portugal. Alors moi du coup j'étais dans cette famille d'accueil et genre en fait on m'a placé dans une famille d'accueil genre au fin fond du Béarn, genre dans le 64. Ah tiens, encore d'ailleurs. 800 habitants dans le village. Ah, le choc. Mais tu venais d'où au départ? Eh ben là-bas, je venais de Paris. De Paris et j'étais le seul Renoir. Mais non, t'es le seul Noir du village. Ah ouais. Les gens, ils l'appelaient le Noir. C'est vrai? Non, les gens, ils m'appelaient pas. En fait, au début, si, franchement, au début, j'ai pris trop la misère. C'était dur. Franchement, voilà, c'était chaud. Moi, dans la famille d'accueil où j'étais, elle avait jamais vu un noir avant de me voir. Mais t'imagines, tu devrais arrêter d'aller à la plage parce que tu es trop bronzé. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Des gens, ils me demandaient si j'avais le sang de la même couleur qu'eux. Mais qu'est-ce que c'est que ça, monsieur? Ouais, c'est ça, t'imagines le premier soir, il y a son mari, mais chérie, t'as vu ça, un noir? C'est ça, mais les gens venaient me toucher la peau pour voir si c'était. Tu es brûlé. Non mais attends, mais les mecs étaient coupés du monde ou quoi? Mais tu es noir, non, mais en fait, c'est pas tous les jours. Du monde, c'est qu'ils envoyaient, mais à la télé. Dans le village, il n'y en avait pas, quoi. C'est pas vrai. Ils n'avaient jamais eu de contact avec des noirs, quoi. Il y en a un en vrai. Donc du coup, c'était. Ça devait être chelou pour toi à 7 ans de vivre ça, en fait. Parce que pour toi, bon, black ou pas black, t'es toi, quoi. Ouais, franchement, c'était compliqué. Mais bon, après, maintenant, avec le recul, je sais que c'était une bonne chose. Mais c'est vrai que sur le moment, c'était super compliqué. Et à l'école, ça allait? En même temps, d'un côté, les gens, ils le faisaient pas méchamment, quoi, tu vois. S'ils en avaient vraiment jamais eu. C'est vrai que, non, mais tu vas dans des coins en France. Ouais, non, mais ils ont jamais vu. Tu sais, dans des bleds, il y a pas de black dans le. Et qui, dans des tout petits bleds, il n'y a jamais un black qui met les pieds dans le bled. Ouais, donc, c'est vrai, ouais. En fait, c'est vrai qu'ils n'en voient jamais en vrai, quoi. Ouais, ouais. Ah non, mais du coup, bon, après, ça fait un peu bête de cirque, quoi. Mais non, en fait, ou du coup, parce que je suis resté quand même 10 ans dans cette famille d'accueil. Donc moi, je suis resté jusqu'à mes 17 ans et demi. C'était cool. Et du coup, en fait, le truc, c'est que au début, voilà, j'étais un peu la bête de foire, mais il s'avère que je me suis quand même assez bien intégré. Et du coup, je suis un peu devenu le seul black qu'il y avait dans le village. Les gens m'appréciaient bien, j'étais cool avec eux et tout. Donc du coup, ça s'est super bien passé au niveau des meufs. Je vous dis pas ce que c'était. T'as sauté toutes les villageoises. Ouais. Et maintenant dans le village, il y a plus que des petits métis. Ouais. Exactement. Il y a des petits métis de partout. C'est ça. C'est le village le plus métissé de France dans le 6-4. Non, mais du coup, ouais, voilà. Et du coup, moi, j'étais un peu comme toi, Fabio. Du coup, moi, j'avais le même délire. Je pouvais pas sortir. Je pouvais rien faire. Je pouvais pas bouger un orteil. Voilà. Si je voulais aller chez un pote dormir, il fallait que ma tutrice appelle ma mère, que ma mère renvoie un courrier pour, enfin, en gros. Voilà. Le truc, fallait prendre 3 semaines avant de pouvoir faire. Ouais, en fait, il faut qu'elle ait l'autorisation, quoi. De la maman. Exactement. Ah oui, donc en fait, oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et t'es resté... Ouais, c'est ça. Mais après, au final, le truc, c'est Fabio, c'est que c'est normal parce que t'es pas leur enfant et au niveau des responsabilités, ils sont obligés parce que demain, il t'arrive un truc, voilà, ta mère, elle se retourne contre eux, leur vie, elle est foutue, quoi. Ah ouais, donc ils sont, c'est normal qu'ils soient un peu serrés, d'accord. Ouais, non, ils sont complètement obligés parce que demain, voilà, c'est trop grave, en fait, d'avoir un enfant qui est pas à soi et de le laisser faire n'importe quoi. Ouais, souci, la maman peut se retourner contre toi. Non, mais en plus, tu sais, les gens qui font ça, moi, je connaissais, mes parents, ils avaient des amis qui accueillaient des enfants, mais, tu sais, c'est quand même vachement beau, moi, je trouve, de faire ça. C'est super beau, tu vois. Eh bien, Romano, imagine, tu... Bon, après, ils sont rémunérés, mais, tu vois, en général, bon, ils le font avec le cœur, c'est encore plus beau. non mais la vérité, oui, c'est plus de l'oseille, mais bon. Pour toi, José, en tout cas, le Béarn, ça t'a plu puisque tu y es encore là dans le 64. Ouais, bah oui, du coup, c'était pas mal, quoi. Tu peux tellement tirer de meuf parce que c'est le seul bac du coin. C'est clair. Non, du coup, j'ai quand même bougé du village. Les Béarnais qui nous écoutent derrière. Et t'as encore des contacts avec ta famille d'accueil? Complètement, je les invite à mon mariage et tout. Moi, j'ai gardé trop des bons souvenirs. En même temps, c'est vrai que grâce à eux, t'as bien réussi, quoi. Ah ouais, non, mais complètement. C'est pour ça, c'est ce que je disais à Fabio, c'est que je sais que si j'avais vécu avec ma mère, tout ça, j'aurais pas pu le faire, d'études, j'aurais pas pu être aussi à l'aise. Ouais, tout ce que fait la famille d'accueil, au final, c'est pour ton bien, quoi. Ça dépend. Franchement, ça dépend. Bon, parce après, que, il va y avoir des ratés, oui. Ouais, moi, j'ai fait deux familles d'accueil. Je suis resté 3 ans dans une famille d'accueil. Le costume. Je suis resté 3 ans dans une famille d'accueil, je vous dis, c'était l'horreur. Ouais. L'horreur. Franchement, c'était l'horreur. Ah ouais, franchement, ça marche pas à tous les coups. J'ai vu des messages. Il y en a qui en ont fait 3-4 familles d'accueil parce qu'ils t'entendaient pas avec eux. Oui, après, ça peut arriver. La spéciale de Difool, 21h minuit sur Skyrock. Mais dis donc, Cédric, tu as déclenché une polémique. Qu'est-ce qui se passe-t-il? A priori, t'aurais spoilé la fin de Gomorrah, espèce de gros. Ah oui. Voter Romano, c'est vraiment un gros con. Non, mais les mecs, ils spoilent les fans. Spoiler, alors Marie, ça veut dire quoi, spoiler? Bah, spoiler, c'est qu'on rigole. C'est ça, Marie. Tu grilles la fin d'un film ou d'une série, quoi. Ouais, par exemple, si je vous dis que. Non mais fais gaffe, parce que franchement il y en a qui le prennent très mal. Hein. Ouais. Moi je te cache pas gros que j'ai vu des messages des gens qui disent j'écoute plus votre radio et tout, mais j'ai des gens qui étaient sérieusement vénères. Non mais je te le jure gros. Mais je te jure Cédric. Non mais ça fait polémique. Genre les gens ils prennent ça vraiment au sérieux. Polémique Cédric, polémique. Je te jure, non mais je te jure gros. Ça va Samy, tu faut t'en remettre. Non mais moi franchement écoute, je te dis la vérité le belge, j'écoute par exemple une radio où je regarde une émission de télé et le mec genre il balance un truc que moi qui me tient à cœur. Je te jure, le gars, je l'insulte et j'éteins la télé. Ah ouais, si tu me donnes la fin de Gomorrah alors que j'ai même pas vu la début de la saison 2. Ah ouais, je t'en veux. Franchement, si je vous dis qu'à la fin, il y a. Ah, je me dis que t'es vraiment un gros franchement, con. Franchement, fais pas ça, gros, je te jure, gros. Non, ah, vas-y. Ah, moi, c'est un truc. Fait. Franchement, ça me fait un gars. Eh bien, vous avez compris, il faut voter Romano. Spoiler. Mais non, mais spoiler. Non, moi, je trouve ça. En fait, pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'il y a plein de mecs, en fait, qui m'envoient toutes les semaines une partie de l'épisode. C'est qu'ils sortent chaque semaine, ils sortent un épisode. Donc, j'ai vu quoi? J'ai vu la fin du dernier. Alors, si vous êtes sur le réseau de Cédric, bloquez-le. Romano. Non, Romano de Skyrock sur tous les réseaux, je suis dessus. Ça va. Gomorrah, c'est la série de la mafia à Naples. Ouais, c'est ça. Il y a la saison 2 qui est passée en Angleterre, en Italie. En Italie, ouais. Et en Italie, ça a battu tous les records d'audience de l'histoire de la télé qui s'appelle Sky. Quoi, voilà. Ils vont faire la saison 3 de toute façon. Il y aura la 3, ouais. Ça sera donc pour l'année prochaine, c'est annoncé une nouvelle saison qui va être tournée. Et en France, ceux qui veulent la fin, elle est sur mon Snapchat. Mais elle est où la fin? Tu l'as mis où, espèce de con? Sur Snapchat. Mais t'es vraiment un con. Vous écrivez belge tiré du bas Skyrock et à la fin. Franchement, c'est abusé, gros. Bon, ça va. Vas-y, moi, je vais te suivre et je vais te bloquer rien que pour ça, gros. Bon, moi, ça m'a fait rire. J'ai vu tous les gens très s'énerver sur Snapchat depuis tout à l'heure. D'ailleurs, ça. J'ai jamais eu autant de réactions que ça, tu vois. Tous les mecs qui m'insultent. C'est vrai que ça se fait pas. Il est marrant, il se fait insulter. Qu'il est heureux. Ça veut dire que vous pouvez l'insulter ce soir si vous passez à l'antenne. Même envoyer des messages ou insulter le. C'est quoi, demain, je mets Game of Thrones la fin, allez hop. Non, mais Emmerick l'a balancé la semaine dernière. C'est pour ça que je te dis ça. Ça fait deux fois que vous balancez des fins de série et je te jure, les gens sont vénères. Donc vous êtes con dans cette radio. C'est pourquoi? C'est pour faire du buzz? C'est pourquoi ça? Non, c'est comme ça, c'est pour m'amuser. Ah, en plus, c'est même pas pour. Ouais, c'est juste non, pour mais t'amuser. Moi, je m'en pas les couilles de faire du buzz. J'ai pas vu parce que franchement, ça m'aurait vénère. Et bon, Game of Thrones, j'ai entendu, mais je regarde pas la série donc ça m'a rien fait, tu vois. Mais franchement. Ouais, mais Game of Thrones, moi non plus. Ça me ferait péter un câble, gros. T'as vraiment été fini à la piste, connard de belge. J'ai envie de te frapper avec ton spoil. Et le belge, il rigole. Mais t'es vraiment. C'est vraiment l'attitude du gros. Mais ta gueule, toi, je te dis. Non, mais c'est vrai, c'est vraiment l'attitude. Mais tu regardes même pas Gomorrah, ferme ta gueule. C'est toi. Pas drôle, gros, pour ceux qui regardent. Mais non, mais je sais pas. Tu vas me casser les couilles, regarde même pas Gomorrah. Bah, si je voulais regarder, tu même me casses. Du coup, il regarde pas Gomorrah, il me fait chier. Ah, si, je regarde Gomorrah. Vas-y, t'en as c'est la seule série que je regarde. Mais la saison 2, abruti, elle est pas sortie. Mais si, elle est sortie, mais t'es con. Mais non. Mais il la regarde quand il veut, il la regarde quand il veut. La saison 2, elle sort sur Canal Plus à la rentrée. Voilà, puis il la regarde quand il veut. Mais tu vas pas attendre Canal Plus. Mais si, moi j'attends Canal, tranquille, pépé. En marée, t'as dit rien, gros. Ouais, il ne dit rien, comme ça, il n'y a pas de problème. De quoi?

Bah, c'est ce qu'elle m'a dit. Après, du coup, moi, ouais, je me suis fait la tête avec mon pote. Ah, parce que le pote était au courant? Bah ouais, parce que lui, du coup, il devait venir à la soirée, mais il t'a fait. C'est ce que disait Samy. Eh bien, il a bien dû regretter de travailler. Imagine, il va gagner de l'argent et sa meuf, elle s'est fait tirer. Elle va se faire niquer pendant ce temps. Et par son meilleur pote. Normal. Et du coup, bah forcément, il m'a embrouillé, ce qui est normal. Hein. Oui, c'est que t'aurais été à sa place, t'aurais peut-être fait à peu près la même chose. Ouais, bah ouais, mais du coup, ça fait 4 ans qu'on se parle plus et tout ça. Mais ah bah, je pense que vous parlerez plus là. Bah. Ah oui, bah c'est, de toute façon. Mais c'est je couchais avec Cariol, un mec que j'étais bourré, que j'avais cette circonstance, grande circonstance. Ah, mais moi, pour moi, de toute façon, déjà. Est-ce que tu m'en voudrais? Bah, bien sûr. Mais même à moi. Bah ouais, non, mais même à toi. Et même à ta meuf. T'as un pote, elle, c'est une pute, quoi. Mais non, pas du tout. Non, mais si, bah, je suis désolé, moi, dans ce cas-là. Ah, moi, je reste un pote. Pour une... Non, mais non, tu restes pas un pote, non, certainement pas. Pourquoi je reste pas un pote? Bah, parce que t'es un enculé. On aura un point commun de plus, on va coucher avec la même meuf. Ouais, non, mais rien à foutre. Pour moi, je la considère comme une traînée, quoi. Une traînée. Oh. Faites attention, les filles, si vous sortez un jour avec Romano, méfiez-vous. Non, mais je sais pas, c'est. Tu vas pas dire, ah, cool, bah vas-y, continue. Non, mais en plus, ouais, ce que je voulais te demander, c'est elle qui lui a dit à ton pote, parce qu'il l'a su. Comment? Ouais, bah en fait, elle lui a dit qu'elle lui avoue quelque chose en fait 2 jours après. Oh putain, on peut. Elle est mort peut-être. Et bah ouais, j'étais pas content, hein, j'ai pas sauté de joie non plus. Hein. Ah bah oui, c'est certain, ouais. Et du coup, elle a dit, faut que je te dise quelque chose, et c'est passé un truc, t'as raté. Donc du coup, en plus, mon pote, il a frappé du coup. Oh. Ah oui, donc elle aurait vraiment dû rien dire. Ouais. Et tout ça à cause de l'alcool, vous entendez? Attention, l'alcool rend la vie parfois plus folle, mais pas toujours. Avec modération, bien sûr. Ah, voilà, tu l'as dit, Julien, non, avec modération. Et puis, il y a les gens hyper agressifs, quoi, ils ont bu aussi. Hein. Ouais, ouais, bah, mais du coup, moi, j'ai regretté. Du coup, ça m'a fait perdre 2-3 potes aussi. Tu veux dire que lui et ton cocu, il n'a pas besoin de boire pour être agressif. Ouais. Toi, c'est vrai que vis-à-vis des potes du mec, tu passes pour un enculé aussi, ça. C'est ouais, clair, mais, ouais, mais c'est normal en même temps. C'est moi qui ai merdé quelque part. Ah, bah, ça, oui. Un enculé, ouais. Moi, je déglinguerais tout le monde dans un cas comme ça. Ma meuf, mon pote, les témoins, tout le monde. Chocman, lui. Ouais, ça, c'est la seule excuse d'alcool. Bon, bah, écoute, fais attention, Julien. Donc, de toute façon, ton pote, c'est mort, Julien, toi. Ouais, bah du coup, bah. Ouais, mais 4 ans, ouais. T'avais 15 ans quand tu. T'avais 15 ans quand tu lui as piqué? Je venais d'avoir 16 ans. D'accord. Ah là, bravo. C'était Henri, te félicite. En plus, et voilà, quoi. Ouais, on gère moins les premières soirées. Enfin, quoi, ouais. Tu gères, il y en a qui gèrent moins aussi après, hein, ça dépend. Ouais, mais ouais, je pense que j'ai bien retenu la spéciale de Tifou. 21h minuit sur Skyrock. Et le lendemain de cette petite conversation sur l'alcool, il y a Jennifer qui a envoyé un mail à Tifou et il s'est passé ça. Hier, on parlait d'alcool, et puis il y en avait, je sais plus qui nous avait dit ça d'ailleurs, qui nous avait dit qu'il y en avait plusieurs des messages. Oui. Qui se déroulaient des pelles avec sa cousine quand ils étaient complètement bourrés. Bon, Jennifer, elle, c'est pas du tout le cas, elle est pas bourrée, mais elle est sortie avec son cousin, et elle sort avec son cousin, et le problème, elle nous dit, c'est qu'elle est tombée amoureuse de son cousin. Ouais. Et oui, ça, c'est problématique. Alors, comment ça va se gérer? Comment? Surtout pour la famille. C'est ce que j'allais dire. Comment vous annoncez ça à la famille? Comment vous faites si vous avez annoncé que vous sortez avec votre cousine, les gars, avec votre cousin, les filles, ou alors même avec votre cousin? Tu sortirais avec un de tes cousins, Romano? Ils sont mignons. Il y en a un qui est pas mal, ouais. C'est vrai. Ouais, mais il est déjà avec un mec, donc. Ah, il est déjà avec un mec. Ouais, il est déjà avec un mec, ouais. Donc, déçu. Ah, et avant ça, donc les cousins, les cousines, puisqu'on a plein de témoignages. Il y a Cassie qui est avec nous, toujours là, Cassie, en direct de Rouen. Hein. Toujours là. Il y a Samuel qui nous appelle en direct du 94. Salut, Sam. Salut, ça va? Ça va, et toi, bien, Sam? Coucou. On fait aller, hein? Eh ben, on fait aller aussi. Bon, on va essayer d'aider Jennifer, là, qui se pose quelques petites questions. Ouais, malheureuse. Ah, la malheureuse Jennifer. Elle a 18 ans, Jennifer. 17 ans. Non, 17 ans. On demandait l'âge qu'elle avait. Qu'est-ce qui t'est arrivé avec ton cousin, toi, Cassie? Non, moi, c'est en fait le neveu de mon beau-père, mais genre, en fait, j'étais un peu dans le même cas qu'elle. Le neveu de ton beau-père. Ah, mais vous êtes pas... Mais maintenant, vu qu'ils sont mariés, je peux pas officialiser avec. Ouais. Enfin, j'ai un copain, mais c'est il y a longtemps de ça, hein, très longtemps. Et maintenant, si par exemple le cousin de Jennifer, c'est un beau-père ou quoi que ce soit, ils sont mariés, c'est pas possible en fait. Non, mais le neveu de ton beau-père, ça représente quoi du coup? Bah rien au niveau. Bah rien au niveau de ta famille, au niveau du sang, vous n'avez rien de commun, vous pouvez sortir ensemble. Mais vu que mon beau-père et ma mère, ils étaient mariés, bah on m'avait dit que c'était pas possible. Ah bon? Mais non. Ah Marie, non, Marie qui s'est fait, qui a sucé son cousin, peut témoigner, Marie, dis-nous. Non mais déjà entre cousins germains c'est possible de se marier en France, donc j'imagine que là c'est ton cousin par alliance, quoi. Non, c'est le neveu de son beau-père. Ouais, c'est ouais. Bah oui, le neveu, donc c'est le beau-père, il est fils de son frère ou de sa sœur. Je comprends rien moi dans les trucs de c'est famille. C'est comme si Romano, toi t'étais mon beau-père. Eh bah, et que t'avais un neveu et que je sortais avec lui. Voilà.

Et du coup, elle, bah, comme elle est psycho, tout de suite, c'est fouille complète de l'ordinateur, toutes les photos. Ah mais ouais, mais t'es con aussi d'avoir raconté ça. Ouais, fallait pas, ouais. Mais ouais, là, non, t'as déconné. Non, parce que comme je suis sincère avec elle et je veux qu'elle sache tout et comme moi... Ouais, mais ça, c'était avant. Donc, En plus, ça aurait pu la dégoûter de toi. Il hein, y en a, ça les dégoûte vraiment. Hein, dans, sur les ouais, messages, il y en a qui sont... Oui. J'ai pas mal de problèmes. C'est vrai que la vérité, ça pose souvent problème. Bon, bah, moi, ce que je conseillerais à Jennifer, donc toi qui es avec ton cousin, t'es en train de tomber amoureuse. Bon, déjà, attends un peu. Oui, voyez comment ça évolue. Hein, de savoir si c'est vraiment de l'amour, tout ça. Ouais, c'est clair. Non, mais puis lui, il peut peut-être, pareil, à un moment donné, regretter. Oui. Comme toi, ça t'a fait, Samuel. Je pense qu'il faut qu'elle attende un petit peu quand même. Ouais, avant d'en parler, ouais, je pense aussi. Non, mais ça sert à rien, parce que pour le moment, c'était que du cul au final. Cassie, t'en penses la même chose, toi aussi, il faut qu'elle attende. Ouais, faut pas qu'elle attaque. Ouais, voilà, faut pas qu'elle attaque tout de suite, parce qu'après, ça pourrait vite être un regret si elle avance trop vite comme ça d'un seul coup, surtout si elle est attachée à elle, à lui, pardon. Non, faudrait pas qu'elle presse les choses. Après, elle peut toujours lui dire, c'est une expérience. Oui, mais après, pour la famille, on va attendre un petit peu. Ouais, c'est ça. La famille, je pense qu'ils apprécient tous l'expérience. Mais pour la famille, il vaut mieux pas tout de suite, parce que, ouais, c'est chaud, hein. Ça pourrait mettre beaucoup de recul dans sa famille. Ah, ça, oui. Ah, bah, ça peut foutre un bordel dans une famille. C'est clair. Et puis, c'est assez excitant de faire un truc caché. Ouais, avec ma cousine, moi perso, ça m'excite pas, Marie. Elle est complètement Là, il se trouve que c'est son cousin, mais bon. Vous savez que la zoophilie est interdite. Ah, bon. Mais ça m'excite beaucoup. Mais là, c'est pas interdit, là. Qui m'a copié à nos yeux de Vincennes ce soir? Non, Marie, je vais rester à l'émission. On a plein de choses à faire. Petite visite à faire. Mais oui. Bon, merci en tout cas pour les témoignages. Merci Cassie. On te fait un gros bisou. On t'envoie le t-shirt Skyrock à la maison. Samuel. Ouais, pas de soucis. Il y aurait moyen de l'avoir dédicacé par toute l'équipe pour la peine. Pour la peine, oui. On va t'envoyer ça. La spéciale du dimanche soir, le meilleur de Difool. What the fuck? Jusqu'à minuit sur Skyrock. Nico de Paris avait appelé Difool à la fin du mois de juin pour un problème qui va concerner pas mal d'entre vous d'ici à la fin de la semaine. On le retrouve maintenant. Nico de Paris, 15 ans, salut à toi Nicolas. Comment vas-tu Nico? Ça va, bah écoute, bienvenue. Donc toi tu nous appelles, je sais pas pourquoi d'ailleurs tu nous appelles. Ah t'as fini les cours vendredi toi, c'est ça? Ben moi je suis en seconde, j'ai fini les cours vendredi, je suis pas allé au dernier cours. Oui, t'es pas le seul à pas être allé au dernier cours. Hein. Ouais. Et cet après-midi il y a ma CPE qui m'appelle chez moi, parce que là donc je suis en vacances, pour me demander pourquoi j'étais pas au dernier cours. Donc je dis que genre je m'étais trompé et tout. Donc ça a pas pris et en fait elle me dit que j'ai 4 heures de colle le 3 septembre et Ah bah je te préviens Nico, 4 heures. Et la rentrée elle est pas mal dis donc. C'est offert par la maison. Putain sympa. Et en plus que j'aurai quelque chose à faire pendant les vacances et que là elle me l'envoie. Mais entre nous, abusé. Putain non, c'est ça, rien à foutre. Et moi vous savez que j'ai des potes et puis moi aussi 15 jours avant la fin des cours, on n'était plus là. Hein. Ah bah bien sûr. Et Marie, évidemment, bien sûr. Encore, c'est les cours les plus sympas, tu vois, les derniers. Voilà. Elle est pas cool, ouais, quoi, c'est toujours mieux que Genre, ils ont le droit ou pas? Ouais. Bah, quand tu restes dans le même bahut, ils ont le droit, ouais. Moi, c'est arrivé, il y a des mecs, ils avaient des stocks pour la rentrée, déjà. Parce que, genre, par exemple, ils avaient pas écoulé toutes leurs punitions. Moi, dans mon bahut, c'était des privations de sortie, vu que c'était un internat. Par exemple, ils avaient le droit de sortir le mercredi après-midi, le samedi et le dimanche. Bah, quand ils avaient, admettons, une privation de sortie, bah, le samedi, ils sortaient pas, ils nettoyaient la merde des autres. C'est comme la prison, gros. Ouais, c'est ça. Lycée militaire d'Autun. Ouais, peut-être que maintenant ils ont 71. Ils ont réduit le truc, c'est mais le haps, man. Et il y en a par exemple, s'il y avait pas assez de samedi et de dimanche et de mercredi et qu'ils en avaient encore en stock, si les mecs par exemple ils étaient en quatrième et qu'ils passaient en troisième, bah au début de la troisième, les premiers samedis, ils écoulaient le stock de l'année précédente. Pas mal. Super. Donc tu notes bien le 3 septembre, tu as tout à faire. Hein. Ah ouais, non mais tu t'es fait baiser. Hein. Mais genre toi, Romano, dans ton bahut, ils oubliaient jamais. Ah non, parce que c'est noté, non. Ah non, ils oubliaient pas. Oui, ça, ils notent. Et après, il y avait pire. Alors là, si tu faisais une plus grosse connerie, c'était des privations de vacances. Mmh. Là, c'est-à-dire que tu partais un jour après les autres. Ah ouais. Bah, moi, ce qu'il y a, c'est qu'elle m'a dit aussi que j'aurais quelque chose à faire pendant les vacances. Ça a pas dit donc. Non, mais ça, elle a le droit. Hein. Ça va t'occuper. Moi, ça vous est jamais une punition. Non, mais ça vous avait jamais arrivé. Par exemple, quand vous aviez le même prof d'une année sur l'autre. Moi, c'est déjà arrivé. Par exemple, en seconde et en première, j'avais le même prof de maths. Suivre le truc. Ben, on avait des exercices à faire pour la rentrée. On savait pas si on allait avoir le même prof. Ouais, moi, pareil. Moi, je savais direct. On savait juste au mois de septembre qu'est-ce qu'on allait avoir comme prof. Ah ouais, non, moi c'était déjà établi. Vous pouvez avoir des doutes. Les messages, alors qu'est-ce que vous nous dites? Moi je suis pas allé les deux dernières semaines et j'ai dit que j'étais malade. C'est Oussadji, 14 ans, qui nous laisse un message. Charles, lui, il matait des films quand il était au bahut. Ah ouais, ça je l'ai fait aussi. Ouais. Moi j'ai fini le 1er juin, j'ai décidé de ne pas aller au mois de juin, ma mère était d'accord parce qu'on ne fait rien. Oui, jeux de société, tout ça. Non, mais après, il y a des bahuts, ils s'en battent les couilles. Hein. Après, pour toi, pas de bol, le tien, pas le tien, Nico. Non, pas le tien, non. Donc, ma mère en plus, elle va me doubler quoi tout. Ah, elle va les appeler. Oui, il peut lui mettre 4 heures de plus pour le 4. Puisque t'as 3... Ben, franchement, elle a déjà fait. 3 septembre. Bah, mais t'étais le seul à pas être là? Non, j'ai un copain, mais j'ai essayé de l'appeler et j'ai trop pas réussi à le joindre. Ouais, parce que je pense que ses parents lui ont confisqué tout le bordel. Ouais. S'occuper de son cas lui aussi. Voilà. Mais je croyais, enfin, à la limite, les heures de colle, quoi. Je me disais, ouais, c'est peut-être possible, mais enfin, qu'il y a un truc à faire pendant les vacances, quoi. Ça me fait trop chier, quoi. Ah, je comprends. Ouais. Il y a Vincent qui a trouvé la solution. Lui, il se barre dans un autre bahut, donc il peut faire sauter à la fin de l'année. Tout va bien. Il y a un prof qui voulait me mettre une heure de colle et la transmettre à l'autre bahut. L'heure de colle, il l'a pas fait. C'est Vincent, 15 ans, qui nous laisse un SMS. Ah ouais, et sinon, il y a Kebs qui dit. Ils ont pas le droit de coller l'année prochaine. Moi, ça m'est déjà arrivé. Ah, toi, tu t'es révolté, t'as réussi à passer outre. Ouais, mais bon, le problème, c'est à la limite, le seul, la possibilité. Oui, possibilité, Romano. Un mot en un, deux, possibilité. En cinq syllabes que tu as réussi à dire sans pratiquement aucun problème. Bravo. Non, mais la seule possibilité, Nico, ça serait que ta mère, elle appelle le bahut et elle dise, ouais. Gratte-toi. C'est hors de question, mais a priori, elle a l'air de le ravir, donc t'es mal barré. Voire pire. Facile. Bon, reste là. Si elle les appelle, ça va être pire, quoi. Ouais, donc elle les appelle pas. Non, ouais. Ouais, c'est mieux. Du coup, garde tes 4 voilà, heures. C'est ça. Mal. Ouais, parce que c'est vrai que ça peut être pire. Si sa mère rentre dans le jeu, c'est dommage pour lui, nous dit Sabrina. Sinon, non, ta mais mère... sauf si elle rentre dans le jeu en disant, ouais, il est hors de question qu'il ait 4 heures d'heure de colle, il avait mon autorisation, machin. Mais là, si elle est du côté du bahut, tu vas la vendre. La spéciale du dimanche soir, le meilleur de Difool. What the fuck? Jusqu'à minuit sur Skyrock. L'aura-t-il dans le cul? On aura peut-être des nouvelles de Nico de Paris dans le cours de la semaine. Et puis vous-même, vous pourrez nous raconter votre rentrée. Il se passe toujours des trucs à la rentrée. Donc voilà, vous pourrez parler de tout ça tout au long de la semaine. La radio libre de Difool en direct du lundi au vendredi de 21h à minuit. Plein de messages également. La rentrée de Skyrock, c'est demain matin entre 6h et 9h avec le coup d'envoi de la nouvelle saison du morning. Un message de Sarah. J'aimerais trop participer au tirage des 1500 €. Merci Difool. Si jamais je suis tiré au sort, vous déchirez. Merci à toute l'équipe pour Ya également qui nous dit que c'est trop la S du côté de Livry-Gargan. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des inscriptions maintenant. Et j'aimerais bien avoir un auditeur de la spéciale à la gagne dès demain matin. Difool qui vous offre 1500 €. Ça va tomber toutes les 30 minutes. On prend vos numéros maintenant. Vous envoyez 1500 au 7-20-20. 1500 au 7-20-20. On prend les numéros. Difool les aura et vous appelle demain matin. Bien évidemment, hein, vous connaissez la fameuse question. Quelle est votre radio préférée? Répondez Skyrock. C'est 1500 € cash. En attendant, grosso soirée à passer tous ensemble. La spéciale, c'est les moments les plus dingues de la radio libre. On va parler sadomasochisme avec un témoignage totalement hallucinant du jamais entendu en radio, le témoignage de Capucine. On va voir Jules aussi, l'arrivée de Jules, le Marseillais, son dernier passage dans la radio libre. C'est juste après Mike Posner, tout de suite avec Toque Pellini Biza. Maître Gims fait sa rentrée sur Skyrock. Skyrock. Tes places toute la journée pour voir Maître Gims en concert Skyrock dans toute la France. Maître Gims dans toute la France avec Skyrock. C'est trop bien. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. Écoute Skyrock à tout moment. On voit Roulette au 7-20-20 et Skyrock t'envoie sur la tournée de Maître Gims avec 200 places à gagner. Super, merci beaucoup. Skyrock. Premier sur Maître Gims. 65 centimes plus coup d'un SMS. 21 Pilots. 21 Pilots. Twenty One Pilots. Twenty One Pilots, l'album. Tu veux rencontrer la fille de tes rêves? C'est facile. Tu peux te mettre au sport, développer des techniques de drague. Bonsoir. Et aller dans tous les cafés de la ville. Ou tu peux tout simplement télécharger Smax, rester toi-même et rencontrer des nanas qui te plaisent près de chez toi. Smax, S-M-A-X. Il n'y a pas que les enfants qui ont peur du noir. Quand j'éteins la lumière, il y a une femme. Elle déteste la lumière. Moi aussi, je la vois. Découvrez Dans le noir, le nouveau frisson de James Wan, le réalisateur de Saw et Conjuring. N'éteignez jamais la lumière. Tout le monde a peur dans le noir. C'est de ça qu'elle se nourrit. Dans le noir, maintenant dans les salles. Avec Skyrock. Hit it. Skyrock. Vous l'aimez? Oui. Mais lui, mentir au 7-20-21. Jamais vous ne le trahiriez, non. Mais lui, mentir, M-E-N-T-I-R au 7-20-21. Vous voulez savoir s'il est fidèle? Vous avez des doutes? Et lui, envoyez mentir au 7-20-21. 65 centimes plus prix du SMS DGP. SCH. Allô maman, ça va pas fort, j'ai perdu temps. Allô maman, j'aime pas tes rides et tes cheveux blancs. Allô maman, j'crois que t'as besoin. Repos. SCH, nouvel album disponible. Allô maman. Libéré.

Oui. Allô. Allô. Salut les filles. Allô. Allô. Parlez. Ça t'amuse, petit con, je t'ai reconnu, je sais que c'est toi. Ça t'amuse de m'emmerder. Ouais, arrête de m'emmerder, parce que ce problème, j'appelle les flics. Ça t'amuse avec ta connasse de sœur. C'est qui, alors? C'est complètement écarté ou pas? Elle doit être emmerdée en ce moment par quelqu'un. Ouais, par quelqu'un, manifestement. C'est toi, petit con, avec ta sœur. Je crois qu'elle a quelqu'un qui l'a. Ouais, c'est ça. Bienvenue sur la boîte vocale. Merci, la boîte vocale. On a retenté le coup, loupé pour la famille. Allez, c'est reparti pour un tour. Allô? Oui. Allô? Qui c'est? Moi, Mick Back. Voilà. Qui c'est? C'est le plombier. C'est qui? Le plombier. Le plombier? Ben oui. Quel plombier? Eh ben, le plombier de Mont-Saint-Martin. Quoi? Le plombier de Mont-Saint-Martin. Le plombier? Vous avez une panne? Vous avez une fuite? Une fuite. Mais qui êtes-vous, là? Ben, je suis plombier de Mont-Saint-Martin. Oui, eh ben... Allô? Qui vous voulez appeler, là? Ah, mais je vous ai pas appelé pour une fuite, moi. Mais vous m'appelez pourquoi? Mais je vous ai pas appelé. C'est vous qui m'appelez. Ah ben non, ça vient de sonner chez moi, là. Je viens de décrocher. Moi, ça sonne et je décroche. C'est pas moi qui appelle, hein. Ça fait trois fois que vous essayez d'appeler. Mais c'est pas moi. Je réponds. Le téléphone sonne et je décroche. Mais oui, mais il sonne chez nous aussi. Il sonne chez nous aussi. Il y a des magouilles, alors. Si ça, y a le téléphone déconne. Bon, ben, c'est tout, mais c'est pas grave. Hein. Donc, c'est ça. Ça m'a affiché un numéro secret, donc j'ai quand même décroché. Bah, écoutez, moi, ça m'affiche téléphone secret aussi, hein. Ah, ben, c'est tout, là. C'est vraiment des conneries, ça. Non, mais c'est trois fois, vous voyez, les deux premières fois, bon, comme j'en ai marre, j'ai pas voulu décrocher. Oui. Là, j'ai dit, ben, tant pis, je décroche, parce que vraiment, il insiste. Oui, là, ben, c'est tout, faut pas décrocher. Si ça sonne, moi non plus, je décrocherai pas. Si. Ah, ben, voilà, c'est ça, parce que je sais pas qu'est-ce qui se passe, quoi. Oui, je sais pas ce qui se passe non plus. Bon, voilà, c'est tout, bonne soirée, bonne nuit, et puis, on va écoutez-vous de même, hein. Allez, au revoir. Au revoir. Ouais. Ouais. Viens, mon frère. Bon. Hein? Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Bonsoir, ça va, bébé? Oh, ça commence à bien faire, hein. Je vais déposer plainte, hein. Salut les filles. Salut les filles. Ah bah voilà, c'est Cédric qui les a achevés. Bravo, bravo. C'est bien, Cédric. Merci. Viens, mon frère. Viens, mon frère. Et je remercie la participation de Marquinhos, qui était Marquinhos ou Lucas qui fait. Viens, mon frère. C'est Lucas, hein. Que c'est Marquinhos qui fait une interview et qui interviewe Lucas. Il lui dit viens, mon frère. Viens, mon frère, c'est ça. Ouais, oui. Je suis Marquinhos. Ah oui. On est là dans l'investiaire. Eh bien, merci à toi, Marquinhos. Et merci aux deux familles. Alors, deux familles qui étaient dans le 54. Ouais, ouais. Double appel à Terre Sud, là. C'est qui, là, alors? Là, on a dans le 11 et dans le 59. Allez, dans le 11 et dans le 59. Allô? Oui? Allô? Viens, mon frère. Allô? Hello. Allô? Allô? Qui était l'appareil? Qui était l'appareil? Bah, c'est à vous-même de vous le dire, hein. C'est vous qui m'appelez, là. Oula. Pas du tout. Je vous appelle pas, c'est vous qui m'appelez. Comment? C'est vous qui m'appelez, monsieur. Ah non, je vous appelle pas. Ah ben si. Donc moi je sais pas, je décroche mon téléphone et c'est vous qui m'appelez. Eh bien c'est une erreur. Bellou. Allô? Oui. J'ai une bonne bite, là. Comment? Oui, non. J'ai une bonne bite, là. Comment? J'ai une bonne bite, là. Ils sont comme un poule, ça. Vous avez envie de m'assurer un petit peu, non? Ah non, il ne veut pas se rassurer avec Patrick. Il n'entendait rien, lui. Il est sûr comme un poule. La spéciale du dimanche soir, le meilleur de Difool. What the fuck? Jusqu'à minuit sur Skyrock. J'ai Hitmane au téléphone qui voulait parler à Crazy. Salut, Crazy. Toujours avec nous? Ouais. Et salut, Hitmane de Perpignan. Bonjour. Alors, on parle BDSM, bondage, domination, sado-masochisme. Et tu fais du switching également. C'est un programme, et tu t'es fait switch, ouais. Et tu t'es fait cravacher les fesses, Crazy. Comme ça, quoi. Ah oh, ouais. Eh ouais.

avec le meilleur de Difool sur Skyrock. Bon, alors avant d'aller faire un tour sur Periscope. Ah, il y a plein qui vont sur Periscope. J'ai déjà vu une meuf sucer son mec sur Periscope. Elle venait tous les soirs, mais depuis une semaine, elle ne vient plus. Dégoûtée. Oh merde. Ah bah merde, alors Florian qui nous envoie un message. Souvent, qui ken sur Periscope. Ça ken sur Periscope. Ouais. Toi, tu vas souvent sur Periscope. Moi, tout le temps, moi. Bon, on va reparler avec Chloé, elle doit être là d'ailleurs avec nous. Salut Chloé. Bonsoir. Salut Chloé. Salut Chloé. Tu as 20 ans, étais à Lille. Voilà. Et c'est toi qui vas sur Péri régulièrement, c'est ça? Et oui. Tu as vu Serge Aurier en live sur Periscope? Oui, pas en live, mais j'ai vu les rediffs. Ah oui, mais t'as vu les rediffs derrière. Ouais, alors, ouais. Il y a Miss Authentique, 24 ans, qui nous dit Periscope, je connais de nom, il y a des petites putes devant leur cam, je crois bien. C'est ça. Non, c'est en fait, ouais, pas que ça, ouais. En fait tu fais une vidéo avec ton portable, enfin, tu te filmes avec ton portable et ouais, c'est diffusé sur Periscope. Ouais, c'est en live, ouais. Et là, par exemple, je suis dessus. Et alors, qu'est-ce que tu vois dessus? Il y a un titre, c'est Petit casse-croûte en Y avec Daniel. Et c'est quoi ça? Je sais pas, c'est une meuf qui mange un casse-croûte peut-être. C'est super intéressant. Donc l'autre elle se fait en mangeant un casse-croûte. Ça tombe bien, c'est bientôt l'heure du tour. Ah ouais, dis donc, elle est pas toute jeune. Ah, mais c'est Studio Daniel, ouais. C'est elle, la meuf que je vous parlais, qui fait des vidéos. Ah ouais? Avec son petit fils. Super. Bon, bah, on va aller voir. Moi, j'en ai vu des plus bonnes déjà sur Periscope. Je vais chercher des plus bonnes d'ailleurs. Moi, cet après-midi, j'ai vu Karim qui allait chez l'avocat en crocs. Ouais. Je me baladais chez mon avocat. Le mec, il filmait ses pieds. Très bien. Il allait à son rendez-vous en crocs. Effectivement, c'est donc passionnant, Periscope. Franchement, ça fait rêver. Dis donc, c'est super ça. Tu vois des mecs qui se baladent en crocs. Une mamie qui délire dessus. Et donc, toi, Chloé, qu'est-ce que t'as vu? T'as vu quoi, toi, oh, sur Periscope? Moi, j'ai trouvé le cas de Periscope. Hein. Ah, bah, tu sais, il y en a plusieurs. Le cas de Periscope, c'est-à-dire. Je pense que le nôtre, il est high level. En fait, on a trouvé un mec qui. Alors, comment dire? Il est fou, il est pervers et il est un petit peu soumis, tu vois. Son délire, c'est un peu la soumission. Oh putain, c'est comment il s'appelait, celui qui était soumis avec Pamela, là? Patrice. Patrice le soumis. C'est peut-être lui. Qui s'était assommé avec une poêle, là. C'est peut-être lui. Ouais. Donc, tu as dit, il est pervers, il est soumis et t'as dit quoi d'autre? Et un peu fou, cinglé beaucoup même. Un peu fou, cinglé beaucoup. Est-ce qu'il a cette voix magnifique? Enchantée, maîtresse Pamela. Ah, il a à peu près même un petit peu mieux quand même. Hein. Ah, mieux, non, c'est pas possible, écoute. Oui, maîtresse Pamela. Si. Celui-là, déjà, on est dans la qualité. Ah, bah attends. Mais d'ailleurs, il faudrait penser à lui présenter Pamela, hein, parce que franchement, non, il tombe dans le panneau, mais. Ouais, tu fais, faudrait qu'on fasse un jour un périscope avec Pamela à l'autre bout du bordel. Ouais, il faut qu'elle s'habille, quoi. Correctement. Ah oui, c'est vrai, faut qu'elle vienne avec ses. Ouais, c'est ça, faut qu'elle vienne avec tout son attirail, ouais. Oui, ça, c'est sûr. C'est vrai, faut qu'elle s'habille. Oui, on n'a pas pensé à ça, c'est vrai. Parce que Periscope, donc il y a de l'image. Et ce mec, donc tu vas le voir régulièrement. Bon, il y a pas de. Oui, oui. Bah en fait, on est une équipe. En fait, on est devenu une sorte de team avec lui. Ouais. Où nous, on fout de sa gueule et lui, bon, il voit que du feu, il voit que dalle. Et au début, donc en fait, il. Mais tu dis c'est un pervers. Shows. Il fait quoi? Il se branle? Il fait quoi? Il fait des choses. Il se branle, mais il fait pas que se branler. Hein. Ah, il fait quoi d'autre? Il se doite. Bah, il se rentre des choses dans les fesses. Ah ouais. Oh, et c'est à quelle heure son spectacle? Oui. Ah, mais ça peut être toute la journée, hein. Ah ouais, c'est-à-dire que le mec, en plein milieu d'après-midi, ça lui prend comme ça, il a envie de se foutre un truc dans le cul. Et là, maintenant, il est connecté. Il avait carrément le zizi bleu. Le zizi bleu, c'est un schtroumpf, un indice. Alors attention, le pervers est un schtroumpf, alors lequel? C'est grand schtroumpf. Ah, tu crois que c'est grand schtroumpf? Avec zizi bleu. Il a quel âge, le mec, à peu près, qui fait ça? Il a 38 ans. Il a 38 ans. Et il a beaucoup de monde, parce qu'en fait, sur Periscope, tu vois le nombre de gens qu'il y a dessus. Bah ça dépend, mais en fait en ce moment il fait des périscopes privés, ça veut dire qu'on a des shows privés. Mais il se fait payer, non, c'est pas donc, possible. Non. Parce que t'as des mecs hein, qui se font payer pour des meufs aussi d'ailleurs, qui se font payer pour faire des shows sexy. Ah bah oui. Ouais, mais sur Periscope tu peux pas te faire payer. Non, tu peux pas te faire payer sur Periscope. Ah bah non. Cédric, tu as déjà fait des shows sexy? Non, jamais. En te faisant payer? Non plus. Ah, ça a pas marché. Et parce qu'il y a un paquet de dingues là-dessus, il y en a peut-être un qui est capable de payer pour te foutre un poil, hein. Bah ouais. Tu mettrais des trucs dans le cul pour un peu d'argent? Ah non, pas un peu d'argent, non. Bah, un petit peu d'argent. Ah non, pas un truc dans le cul, non, ça va aller. Oh bah Cédric, ouvre-toi, merde. Ah putain, non. Ouais, ouvre ton cul, chose, ouais, non. Paye ton boule. T'as vu quoi, toi, Karim, quand tu traînes souvent sur Péri? T'as vu quoi, des trucs moi, rigolos? Moi, j'ai vu des gens qui kennent ensemble. Très bien, mais ils le font régulièrement, c'est-à-dire tous les soirs, je sais pas, à une heure du matin, ils donnent rendez-vous, bon, bah, c'est l'heure de la ken. Non, parce qu'en fait, regarde, je vais t'expliquer, quand tu vas sur Periscope, t'as une liste, soit. Ah, connais, hein. Non, mais tu ne connais pas. Mais t'as des gens, ils donnent rendez-vous tous les jours à telle heure pour faire un truc. Ah, j'ai vu un DJ l'autre jour, tous les jours à telle heure, ils donnent rendez-vous, il fait un mix. Et du coup. Ouais, Chloé. La dernière fois, j'ai vu un mec qui était en train de clasher Karim sur Periscope. Ah, ça clash en plus sur Periscope. C'est pas bon. Sans doute, peut-être, je ne sais pas. Bon, donc toi, ton copain, c'est quoi son prénom? Parce qu'on dit, il y a un Dominique qui se montre à poil et qui se branle aussi. Ah non, c'est pas Dominique, c'est pas Dominique. Bon, il y a un Dominique, méfiez-vous si vous allez sur Péri. Il y a un Dominique qui est sur Péri. Je voulais te demander, Chloé, il est connecté tout de suite, là, le mec? Non, non, il est pas connecté. Ah, merde. Dommage. Si tu veux, je peux te donner son périscope. Hein. Ah ouais, tu nous le donnes. Tu t'appelles Karima et il va accepter tout de suite. Hein. Et dès qu'il est connecté, on se connecte avec lui en direct et on regarde. Non, mais c'est un truc de fou. J'ai des photos et tout. Il fait la fontaine avec ses fesses et tout. Hein. Ah ouais, ouais, il y a plein de choses sur lui. Hein. Waouh. Mais là, elle appellera, t'inquiète. Parce qu'il me fait halluciner, c'est que les mecs, ils ont pas peur qu'un jour ça sorte, quoi. Je sais pas. Ouais, peut-être que le mec, il s'en bat les couilles aussi. C'est un vrai ouf. Peut-être qu'il sait pas comment ça marche. Tu sais, mec, il se dit, ouais, il va pas de problème. Ouais, tu vois, le mec, mon babite, c'est sympa. La plupart du temps sur Periscope, la journée, c'est des gens qui sont en cours. Au bahut, ouais. Ouais, au bahut, en cours, t'entends le prof et eux sont là, ils te niquent sur les profs. Mais faites gaffe aussi parce que bon, un jour vous allez vous faire choper. Hein. Ah ouais, ça fait gaffe. Il y a Ascal Beach qui nous dit mon ex, il filmait ses soirées de connard avec ses potes à la con sur Periscope pendant que j'attendais ses SMS. Ah bah, tu l'aimes bien, toi. Connard, elle est énervée, Ascal Beach. Ah putain, connard en trois. Trois fois en trois lignes. Trois phrases, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il y a des mecs qui s'est fait virer à cause de Periscope. Qui s'est fait virer de son boulot, ça m'étonne pas. Ouais. Ah, mais de même de Bahut, hein, il y a eu des problèmes au Bahut avec Periscope déjà. Cédric, tu veux te mettre un truc dans le cul? Ah, je suis gênant, t'as l'air. Allez. Pour l'argent, je fais pas. Regarde, ça cartonne. Il y a même Chloé qui nous appelle pour nous parler d'un gars. D'ailleurs, c'est quoi le prénom du gars? Tu nous as dit, Chloé? Guillaume, c'est noté. Pas trop un prénom de pervers, donc, pourtant. Ça dépend, tu sais, tu as des pervers partout, on en a déjà on eu. On a rarement des Guillaume dans nos pervers. C'est vrai. On m'appelle le vendredi. Alors, ouais, c'est vrai, ouais. Cédric, prépare-toi, regarde, Marie t'offre son micro. Ah, c'est gentil, Marie. Ouvre la bouche. Mais dans le cul, Marie, elle prend rien. Ah, ouais. C'est dans le cul. Et il s'est mis quoi dans le cul? Tiens, bonne question. Vous avez toujours très très bonne question. C'est alors, Yanis qui nous laisse le message. Alors déjà, il s'est mis des déodorants. Des déodorants, comme ça il sentira bon des fesses. Ah, c'est un ouf. Il est pas con. Je pense qu'il a essayé de se mettre une petite tour Eiffel dans les fesses. C'est bien parce que c'est, comment dire, c'est progressif. Ergonomique. Voilà, c'est ça que je cherchais. Ouais. C'est ergonomique, la tour Eiffel. C'est petit en haut et c'est large. Ouais, c'est bien profil. Ouais, c'est limite fait pour un cul, quoi. Large. Pas la peine d'aller sur Péri. Ce chaturbate, c'est du skate tout le temps. C'est du skate. C'est du sexe tout le temps. Peut-être des mecs qui font du sexe. Ça, ouais, c'est comme chatroulette, les trucs comme ça, oui. C'est nous. C'est prévu pour, quoi. La pire chose que j'ai vue sur Péri, c'est comme Cédric, c'est Jojo Kajé. Ah, il allait te suivre. Ah, bah tiens. Tu fais des Péri, Cédric. Ouais, j'ai mon périscope. Mais tu fais quoi sur Périscope? Ça dépend, des fois je suis dans ma voiture, mais c'est rare. Oui, moi, Samy, c'est bon. Samy, il est pas lourd. Est-ce que vous voulez un gros plan, Cédric? C'est bon, allez. Samy, il est pas lourd. Ah oui, vous voulez, il y a plein de cœurs. Plein de cœurs. La Marie, je t'aime, il y a écrit. Oh. Non, ça dépend, c'est pas pendant l'émission. C'est bon, je filme pendant l'émission aussi, tu vois. Ouais. Un petit coup de périscope. Ouais, ça fait plaisir, les gens, ils aiment bien. Ben, on peut faire la rubrique de le micro dans le cul où tous les jours on met un truc différent. Bah, vas-y, y'a pas de problème, écoute, quand tu veux. Ah. Ouais, je vous laisse commencer. Je vous montrer l'exemple. Cédric va devenir la star de Periscope. Après Serge Aurier, Cédric, il débarque. Des allez, dis-le, Rock FM, la famille. Bon, bah, écoute, continue de t'éclater, Chloé, en tout cas. Bah ouais. Bah moi j'aimerais bien que vous le contactez. Bah ouais, non, mais dès qu'il est connecté. Bah, essaye de récupérer son numéro ou un truc parce que. Dès qu'il est connecté, on fait. La spéciale du dimanche soir, le meilleur de Difool. What the fuck? Jusqu'à minuit sur Skyrock. C'est toi, Roberto. Roberto, 23 oui, ans. Et tu es en Avignon ou à Avignon? Ça en dépend. Avignon, on dit. Logiquement, oui. Ouais. C'est bien. Bon, alors, Roberto, explique-nous l'histoire de la vidéo parce qu'on a parlé de vidéo de cul. C'est toi, donc la vidéo de cul, c'est ça? Problème. Voilà, exactement. Mais c'est tu te filmes en baisant, tu te filmes en te branlant, tu fais quoi? Non, en fait, si je dois résumer le gros de l'histoire, en fait, j'étais avec une petite. Et donc le mal m'est venu de vouloir snapper pendant que tu baisais. Alors ça, moi, faut m'expliquer parce que vous êtes plein à le faire, mais pourquoi vous faites ça? C'est ridicule, c'est complètement con. Non, mais après, je suis grillé. C'est votre délire, c'est bien. Mais toi, tu vas nous expliquer pourquoi ça t'a posé un problème, ouais, parce que moi, je sais pourquoi ça t'a posé un problème. Non, mais alors moi, c'est un truc me filmer, ça ne m'intéresse. Je sais pas, moi, quand je suis en train de baiser, moi, je pense qu'à ça, moi. J'ai pas envie de faire autre chose, quoi. Karim, toi, tu t'es déjà filmé en baisant. Ah, moi, je te sors une vidéo tout de suite, gros, si tu veux. Vas-y. Et tu vas baiser qui dans le studio? Non, mais tiens, tu veux une vidéo où je me faisais suicide? Non, ça va, Karim. Non, mais j'ai pas envie de voir ta vidéo. Non, mais Romano, il veut voir. Ouais, bah attends, moi, je suis toujours curieux. T'as envie de voir la vie de Karim, toi? Je suis prêt. Fais juste voir la tête de la meuf, moi, c'est tout. J'en ai vu des horreurs. Moi, je l'ai vu, moi. Ah bah Marie. Bah, parce qu'elle était là, elle me suçait aussi. J'ai même sucé. Non, j'étais pas là, j'ai vu la vidéo. Il y a Marie sur la vidéo, les gars. Ah, tu montres pas notre vidéo à nous. On va la poster. Cédric, tu t'es fait sucer. T'as déjà fait des vidéos en baisant? Ouais, j'ai déjà fait, ouais. Ah ouais. Bah ouais. Ouais. C'est là où a bugué Facebook. Facebook, un jour, c'est lui, il y a un bug mondial, on n'avait plus Facebook. Ah bah c'était Cédric. Non, j'ai déjà fait, mais après, tu sais, je garde dans mon téléphone. Il avait fait un Facebook Live. Pas pour l'envoyer, quoi. Et Samy, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, moi j'ai déjà fait aussi. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, Romano? Tu as vu la vidéo de Karim? Il se fait pomper. Il y a une petite bite. Tu vois ça vite, tu vois. Ah, tu bandes. C'est le début, elle commence à me sucer, gros. Je vais pas bander comme un taureau. Bah ouais, mais elle est vraiment en mode. La meuf, elle est bonne ou pas? Ah, moi, la meuf, si elle est bonne, tu bandes direct. Ouais, voilà. C'est vrai. Ah, c'est le début quand t'as commencé à te sucer pas, vous bandez direct. Ah bah moi je bande avant qu'elle me suce quand je suis surexcité, ouais. Ah ouais. Si elle est excitante, ouais. Après, rien si rien d'y penser, ça me. Ouais, enfin, moi, un mec qui bande mou dans ma bouche, merci. Je suis content. Aïe, carrément. Vexé la marée. C'est le début quand t'as commencé à te sucer, tu vois. Mais et tu l'as pas ou t'as pas ta bite bien dure. Oh non. Non, mais moi j'ai pas vu. Regarde pour Carrie, regarde pas pour la meuf. En plus, tu m'as demandé ça avec un regard chelou. Ouais, c'est vrai. Et ouais. Donc, Roberto, toi, tu t'as fait un snap. Voilà, à peu près, c'est ça. Et je l'ai envoyé. Donc, je l'ai envoyé à des collègues. Sauf que mon doigt, par je ne sais quelle magie, a aussi sélectionné le nom de ma copine. Ah, parce que tu faisais l'amour avec une meuf qui n'était pas la tienne. Oh, le con. Et ta meuf, elle a réagi comment quand elle a... Elle a bien vu que c'était... D'ailleurs, tu l'as envoyé la vidéo, toi, Roberto. Ouais, il y en a qui demandaient des preuves, apparemment, elle ne me croyait pas. Ah, Samy voulait vérifier, oui. Samy voulait vérifier, il voulait absolument et voir donc, elle cette vidéo. Elle a réagi comment? Sur le coup, elle était... Enfin, on m'a raconté par la suite, mais elle était choquée. Elle t'a pas appelé direct, ta meuf? Si, sur le coup, elle m'a appelé direct. Mais t'étais occupé. Tu l'as vu la vidéo, Romano? Ouais. Bon. Mais Romano passe sa soirée à mater des vidéos de cul. Ouais, super l'émission, dis donc. Romano, pas de remarques, s'il te plaît. Non, pas de remarques. Non, mais déjà, vous êtes habillé. Bon, la meuf, en gros, elle a quatre pattes, plus ou moins. Toi, t'es derrière et t'es en train de lui ploter le cul. Bon, c'est clair que je suis ta meuf, je pète un câble. Ah non, mais tu viens je dis direct. Je pète un câble total. Donc tu deviens fou. Et, toi, et ça te gêne pas de montrer ta queue à tous tes potes? Non, mais là, il y a pas la queue. On voit pas la queue. Non, il y a pas. Là, en fait, les deux sont habillés. La meuf, elle en... D'ailleurs, est-ce qu'il y a un peu une autre vidéo avec ta grosse queue? Non. Là, en fait, toi, t'es habillé derrière. La meuf, elle a quatre pattes devant toi. Elle est en culotte. Et t'es en train de lui malaxer un peu le cul. Mais tu viens d'aller. Tiens, je vais vous montrer la vidéo. Très bien. Allez, sois fou. Ah, t'as mis une musique et tout sur la vidéo? Ouais. Ah, la musique, c'est Al-Qaïda. Al-Qaïda. Al-Qaïda. Alors, t'es où, toi? Parce que moi, je vois rien. Si, t'es derrière. Ok. Ah, la meuf, elle est devant, tu vois, elle est en culotte. Mais bon, ouais, c'est clair. Faut lui enlever la culotte. On voit bien ta tête. Putain, t'as un peu la tête de Karim. Ah ouais? Ouais, non, vous abusez, là, vous êtes dur. Ah, excuse-moi. Là, vous êtes très, très dur. Ouais, bon, tu commences à t'amuser, mais on voit pas ta bite et on voit pas que tu la baises. Non, mais d'accord. Non, mais tu vois sa gueule, il tire la langue et tout. C'est chaud. Ouais, t'imagines énormément. Non, mais tu vois, non, mais en plus, tu as le cul d'une meuf qui est. Non, mais oui, il est. Qui envoie ta tête en gros. Normal qu'elle pète un câble, je sais pas. Comment vous auriez réagi, vous pouvez nous dire? Bon, ça va, c'est rien. C'est rien. Qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse pour toi, Roberto? Eh ben voilà, donc depuis bon, ben forcément, pour me parler, c'est pas du tout ça. Donc absolument, j'ai plus vraiment de contact avec elle. Normal qu'elle soit vénère. Ouais, elle est pas très claire. On voit pas la bite, y a pas la bite dedans. Non, en plus, la meuf a gardé sa culotte, enfin son string. Ça faisait 6 ans que j'étais avec elle quand même. Non, mais je pense que, en plus, limite, c'est encore pire qu'elle t'ait vu en pleine action parce que là, la meuf, elle a dû s'imaginer la suite de la vidéo. Et puis, et toi, et tous tes potes qui sont au courant, donc elle passe en plus pour une grosse conne, quoi. Oui, bah elle a coquille de service, je crois. C'est le plus. Elle a dignité, quelque chose de dignité aussi, ouais. Et là, la vidéo, t'es content, tu souris, tu tires la langue, t'es content de faire le con. Et tu l'as encore sur Snap, ta meuf? Pas du tout. Bah ouais, elle a disparu. Regarde, gros, elle t'envoie pas une vidéo, elle est avec un mec. Hein. Ah ouais, pour se venger. Pire, bah, tout est bon. La spéciale de Difool. 21h minuit sur Skyrock. On va filer sur le répondeur de Pamela, le meilleur de Difool. C'est jusqu'à minuit les moments les plus dingues de la radio libre. Tiens, pour peut-être ceux qui nous rejoignent pour la première fois sur Skyrock en ce dimanche soir, qui écoutent Skyrock pour la première fois le soir, je vais vous rappeler le principe du répondeur de Pamela. On va sur des sites de rencontres, mais très très hautes, hein, plus hard que Tinder ou Mythic. On va vraiment sur du très très chaud. On laisse des fausses annonces. Il y a des pervers qui répondent à ces annonces et ils laissent leur numéro de téléphone et ensuite on les appelle en direct. C'est Romano qui met sa perruque de Pamela et qui les appelle. Là, par exemple, on va appeler un pervers qui a laissé un message. Il s'appelle Philippe. Dessus, petite salope. Ah, sale chienne. Attends, viens me sucer là. Et donc la sale chienne, c'est Pamela, alias Romano, le pervers de la semaine. On prépare tout ça, on va reparler des snaps de cul et puis l'arrivée de Capucine aussi, je vous l'avais promis. Elle arrive tout de suite, Capucine, qui fait dans le sadomasochisme avec un témoignage de ouf, du jamais entendu en radio. On se met ça juste après Lil Wayne avec Wiz Khalifa, c'est Sucker for Pain. Il y a aussi le récap du top back de Romano en prépa et victoire de Monaco également, c'est important. Hein. Monaco qui a battu le PSG, c'est terminé, victoire des Monégasques à 3-1. Demain matin, ils vont tous se réveiller sur Skyrock. Hi, this is Rihanna. Gims. Hey, it's Beyoncé. Salut, c'est Romano. Wesh l'équipe, c'est Jules. C'est Sabrina. Hey, this is Justin Timberlake. Salut, c'est Difool. Salut Difool, c'est Momo du 4-2. This is Bruno Mars. Bonjour, c'est Pamela. This is Eminem. The Morning Show.

Ouais, je suis là. Batman. Ouais. Et Félindra, tu es la belle Félindra. Oui, bonjour. Félindra, tête de tigre. Ah ouais, j'allais. C'était ça, non? Félindra, tête de tigre. Ah ouais, j'ai. Dans Fort Boyard, ouais. Oui. Celle qui tourne la tête de tigre et les pièces, elles tombent là. Il y a les boyards qui tombent. Eh, Romano, de t'exciter alors, Félindra. Pourquoi? Bah, c'est la machine à boyard un peu. Ouais, c'est ça, la machine à boyard. La machine à sous. Ouais. Alors, Félindra, tu te rapportes parole des filles parce qu'on t'a choisi, mais vraiment on aurait pu en choisir une autre. Parce que vous êtes plein de nous avoir laissé des messages sur ce qui t'est arrivé, Roberto. Et elle va se faire la porte-parole des meufs qui nous ont laissé tout ça. Ouais, et toi, Toine, il t'est arrivé à peu près la même chose. En tout cas, tu t'es déjà filmé en train de baiser, toi, Toine. Ouais, voilà, ouais. Roberto, parfait. T'es pas le seul à l'emmerder. Ah, oh, allez. Donc, le résumé de la story. Félindra, tête de tigre. Voilà. Cédric, peux-tu nous résumer qu'est-ce qui est arrivé à Roberto? Bah, Roberto, en fait, ce qu'il a fait. Oui. C'est l'histoire avec sa meuf. Oui. Ouais, c'est ça, en fait. Il a filmé, en fait, sur Snapchat avec sa meuf, enfin, avec une meuf qu'il a rencontrée, je sais pas où d'ailleurs, il nous l'a pas dit. L'explication va être très claire. En fait, il est en train de se frotter à la meuf et ce con, il l'a envoyé à sa meuf. Et en fait. Et on voit sa tête. C'était pas clair. En fait, il a envoyé sur Snapchat. En fait, oui. Vous avez le même tic tous les deux là. Ouais, c'est ça le refait. Non, sur Snapchat, il a envoyé à sa meuf officielle. Non, Cédric, on ne comprend rien. Il se frottait avec la meuf. Que tu reprennes depuis le début. Elle va te faire. Oui, Félindra, écoute bien l'explication de Cédric, elle est toujours très claire. Bon, allez, vas-y, je vais simplifier. Alors, personne n'intervient. Non. Cédric. Réexplique-nous, le Félindra, c'est pas gentil de rire. Non, mais en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a envoyé à sa meuf. Attends, Cédric. Attends, tout le monde doit écouter. Moi, je m'assois tranquillement. Roberto, écoute bien ton histoire. Tu vas voir, Cédric va te la raconter. Tu ne vas plus la comprendre. Alors, attention, Cédric. Chut, Félindra, on t'entend rire. Ce n'est pas gentil pour Cédric. Alors, attention, Cédric, c'est à toi. On t'écoute. Roberto, il a envoyé à sa meuf une vidéo sur Snapchat, en fait, où il est en train de se frotter à une autre meuf. Et alors? Ah voilà, meuf, elle a vu la vidéo où il est en train de se frotter à une autre meuf. Ok, pas de problème. On voit bien sa tête, on voit sa grande gueule en train de tirer la langue et tout, quoi. Magnifique, donc. L'histoire est claire pour tout le monde? Eh, Roberto, c'est clair, là. Roberto. C'est clair. Roberto, tu m'entends? Oui, je t'entends. Ouais, je crois que Cédric, il a kiffé sur toi. Le seul truc qu'il a retenu de ta vidéo, c'est Walla, il tirait la langue. Ouais. Ça m'a fait rire, tu vois sa grande gueule et tu le vois, il tire la langue comme ça. Oh là, ça m'a excité, oui. Non, ça m'a fait rire, voilà, surtout. J'aurais aimé être à la place de la fille. Oh, bon. Ah non, poteau. Et encore moins à la place de ta meuf. Alors, Félindra, qu'est-ce qu'on entend? Il est dur. Il est dur, ça fait flipper ça. Oh, dégueulasse. Alors, il est. Félindra, il t'arrive la même chose. Enfin, tu voulais réagir, allez, vas-y, dis-nous ce que t'en as pensé de cette histoire. Tête de tigre. Non, ce qui concerne Roberto, non, je trouve clairement abusé que je suis d'ailleurs très contente qu'il s'est fait toper par sa meuf. Oui, c'est ça. Ah, c'est en gros ce que vous avez dit, les filles, c'est bien fait pour sa gueule. Mais il y avait des mecs aussi. Voilà. Hein. Ah, ouais. C'est trop bien fait sur sa gueule. Le pauvre. Déjà, tromper sa meuf, c'est trop abusé, enfin voilà. En plus, genre, il se fout de sa gueule, il envoie des vidéos à tous ses potes. C'est ce que je disais. Fils ans qu'il est avec, ouais. C'est clairement abusé, quoi. Enfin, elle passe trop pour une conne, quoi. Sa meuf, c'est normal qu'elle lui réponde plus. C'est pas mal le résumé qu'il nous fait, voilà. Ça résume bien ce qu'ont dit toutes les filles depuis tout à l'heure. Elle est super, Félindra. Tu vois, voilà. Tête de tigre. Oui. Ta. En fait, ce surnom, il me venait quand je promenais mon chat en laisse, en fait. Ah oui, ben j'avais un chat qui ressemblait à un tigre, en fait, un petit rouquin, un chat, ouais. Et du coup, il y avait des gars qui m'avaient surnommé Félindra parce que je promenais mon chat en laisse. Et oui, parce que Félindra, tête de tigre. Et après, il y a mon chat ressemblait à un tigre. Et toi, tu voulais dire quoi, Roberto? Ah bah moi en fait ce qui s'est passé si tu veux c'est que j'avais fait une vidéo avec une meuf. Oui. Et en fait je l'avais gardée bien au chaud dans un disque dur que j'utilisais jamais. Et tu la regardais parfois et tu te branlais dessus ou c'était juste pour... Non, je le regarde pas, j'archive parce que c'est un peu mon histoire, tu vois. Mmh. Super, après, tu sais, fait un montage. Et après, tu la montreras à tes enfants. Ah, super. Allez, voilà, regarde ce qu'il faisait ton papa quand il avait 20 ans. Hein. Il déchire. Hein. Non, je l'avais gardé dans un disque dur. Enfin, bref, je me souvenais plus qui était dans celui-là d'ailleurs. Et donc, avec mon ex, donc la suivante, faut savoir que c'était une tarée du cul. Hein. On faisait vraiment de tout. Elle avait embauché des artisans pour faire mettre des miroirs au plafond et tout, enfin vraiment. Ah, pour vous regarder en train de baiser. Ouais, il y avait des miroirs partout, c'était le palais des glaces, c'est Versailles, la piole. Mais elle t'a pas fait peur? Oh non, moi j'étais chaud. T'imagines, tu sors avec une meuf, l'autre elle change sa, ouais, change bon, sa chambre, ça devient un bordel. Ouais, ouais. Oui, alors je vais mettre des canapés rouges en cuir. Ouais, c'est vrai que ce même miroir au plafond, ça fait un peu baraputes quand même. Oui. Plafond, ouais, c'est clair. Ça fait oui, ouais, chambre ouais, à pute ouais. aussi, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Ça fait bordel. Ça quoi. Fait motel américain. Voilà, c'était un peu ça. Mais bon, ouais, on avait vraiment un budget mensuel pour le cul. D'accord, ok. Et donc du coup, le seul truc que je voulais pas, c'est qu'on se filme. Parce que j'avais pas kiffé la première fois, c'est une vidéo que je regardais pas, parce que ça me foutait mal à l'aise en fait. Ah moi c'est donc, pareil, coup, moi, je baiserais pas pareil si je me filmais. Non mais ce qui peut être sympa, c'est de, tu sais, de brancher à la télé, en fait tu vois en même temps. Ouais, voilà, j'ai des ouais, yeux pour la regarder, ça Marie. C'est dans l'action, tu vois. Bah, ouais, mais il y a des trucs que tu vois pas. Par exemple, la nana étant levrette, tu vois pas ce qui se passe derrière. Donc le mec peut filmer et tu le vois. Mais je m'en fous de voir mon cul qui la baise, moi. Oui, peut-être que la nana aime bien. Après, c'est, ça dépend. Hein. Non, mais à ce moment-là, tu te mets devant un miroir, c'est pareil, Marie, quasiment. Non, parce que tu vois pas bien. Si non, au plafond, t'as pas le même angle, je te jure. Ouais, ouais, non, mais sur le plafond. Qui bouge et tout, c'est top. Et au final, toi, Toine? Et ben au final, en fait, tu veux, je cherchais des photos de moi enfant pour lui montrer, donc, t'es dans ce disque dur-là. Mm-hmm. Et on est tombé sur la vidéo. Ah merde. Donc, du coup, j'ai coupé, mais bon, tu parles, elle avait capté. Et là, je me suis dit, vas-y, laisse tomber, ça y est, t'es foutu, t'as plus qu'à dégager avec ton disque dur, t'es célibataire, quoi. Et en fait, elle m'a engueulé parce que, et pourquoi tu veux pas le faire avec moi? Oui, parce qu'à la limite, ça peut être une vieille vidéo, bon, oui, tu t'es filmé avec une ex, quoi. C'est pas mal, tu l'as pas trompé, voilà, quoi. Bon, ouais. Voilà, elle m'a fait dégager la vidéo, forcément. Mm. Donc, du coup, je l'ai supprimé, je l'ai mis dans la corbeille. Après, plus tard, je l'ai ressorti de la corbeille. Oui, bon. C'est malin. Oui. Et donc en fait, si tu veux, ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a dit ouais, faut qu'on fasse un truc machin. Et quelques jours plus tard, je me pointe à la maison et elle avait foutu deux caméras sur pied. Ah ouais, donc. Donc ouais. En gros, dit, bon, allez, c'est bon. Je sais, elle avait. Non mais l'autre, c'est un investi dans le cul quand c'est même. C'est un studio quoi. Non, mais elle se prenait pour Jackie Michel. Ouais, c'est ça, mais elle devrait se lancer là-dedans, a priori, ça la passionne. Après, elle montre le truc et tout. Non, c'était entre nous. C'était vraiment un délire de couple, vraiment entre nous, quoi. Eh, je vois ça. Bah ouais. Oui, non, mais de là, aller acheter deux caméras, elle était complètement ravagée, celle-là. Non, elle a juste pris. Non, mais moi, je sors avec une meuf, moi, elle me ferait flipper aussi. J'arrive dans la chambre et je vois, il y a une caméra là, une autre caméra là, des miroirs au plafond. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle me fait, l'autre? Non, mais ouais, non, mais elle avait un pète au casque. Désolé de te le dire, toi, mais. Elle était quand même amochée. Genre les draps en satin. Mais non, mais les gars, non, c'est quoi ça? Vous êtes prudes ou quoi? Non, mais pas du tout. Non, mais nous, toi, tu n'as pas de recul par rapport à la situation puisque tu as vécu avec cette meuf l'histoire. Nous, on découvre. Nous, on est en dehors du truc. Moi, je t'assure, t'arrives chez une meuf. La meuf, elle te dit attends, je fais venir des artisans, je fais mettre des miroirs au plafond et j'ai acheté deux caméras pour nous filmer. Je me dis, elle est quand même amochée celle-là. C'est pas pour toi que je la nique. C'est pas pour toi que je la niquerai pas. Hein. Moi non plus. Amoureux. Vous en en profiter, puis on s'est recevoir. Ouais. Ouais, ah, mais t'as bien fait. Hein. Ouais, non, mais franchement, c'était cool. C'était une bonne expérience. Et puis, bon, comme on se kiffait vraiment et tout, c'était bon plan, quoi. Bon. Et donc, du coup, bon, j'ai dit, bon, ça y est, j'ai compris. Sors, je suis acteur porno. Et donc, on a fait notre truc. Ça t'a excité. On s'est maté ça. Bah oui. Hein? Ça t'a excité. C'était bien. Oh, bah, parce que moi là, je suis toute mouillée là. Non. Je vous le dis, je suis dans un état de. Je suis en train de me noyer. Dans deux minutes, les gars, vous avez les pieds dans l'eau. Hein, oui. Mais comme il voulait pas le faire avec sa meuf, c'est pour ça. Ah, ça c'est sûr. Non, au bout d'un moment, oui, forcément, je l'ai fait. Je l'ai fait, et donc du coup, sur le moment, c'est marrant, mais le truc, c'est qu'après, quand t'as terminé, donc ça redescend et que tu mates le truc. Ouais, c'est bizarre. Super mal à l'aise, quoi. Et ce qui m'a foutu à mal à l'aise, en fait, c'est la gueule que je tirais quand je baisais, tu vois. Moi, je suis magnifique, voilà. On m'a déjà dit, mais tu es d'une beauté, mais indescriptible. Quasiment. Bon, qu'est-ce qu'on. Roberto, au final. Bah, t'es dans la merde. Bah, ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est compliqué. Hein, Ah oui, international. International. C'est soit la meuf, elle est. Voilà. Non, mais sans avec la nouvelle qui est sur la vidéo, là. Oui, au pire, oui. Bah, attends, moi, t'as une meuf. T'étais vraiment amoureux de la meuf à qui t'as envoyé le. Enfin, ta meuf officielle à qui t'as envoyé la vidéo sur laquelle tu l'as trompé. Oui, complètement, malgré le fait que j'ai fait ça, complètement. Ah oui. Ouais, mais c'est pas la première fois que tu l'as trompé. Et t'as l'impression qu'elle peut te pardonner ou pas du tout te pardonner? Ah non, attends. Bah, c'est gros quand même, c'est très très gros. Non, mais sur, tous tes potes ont vu. Marre de chez moi. C'est mort. Non, mais en plus, tous tes potes ont vu que tu la prenais pour une conne, donc c'est pire que tout. Ah mais la meuf elle est cocu, hein. Qu'est-ce que tu veux dire? Bah elle est cocu, elle a la preuve. C'est qu'après soit la meuf elle comme tu disais Difool, soit la meuf elle est tolérante plus que la normale. Ou alors elle est vraiment super amoureuse de toi, ouais, genre. Et elle te pardonne à moitié. Mais sinon c'est fini quoi. Ouais. Non, en plus elle est cocu publiquement quoi. Enfin, ouais, en plus tout le monde est au courant. Ah mais il y a ça en plus, ouais, ça a du. T'as raison, Felindra. Il y en a qui nous disent Felindra, tête de chibre, mon dieu. Super. Merci à Gio du 49, 15 ans pour ce super message. Malin. Bien trouvé. Bon ben Roberto, tiens-nous au courant quand même de la suite de l'histoire. Ah, t'as plus qu'à croiser les doigts là. Tu penses qu'elle va rester avec toi ou pas? J'espère et je ferai tout pour, je ferai sincèrement tout pour. Bah écoute, mais j'espère aussi. Là, la situation elle est compliquée, là, c'est très. Je croise les doigts pour toi. Yo, c'est la spéciale du dimanche soir avec le meilleur de Difool sur Skyrock. Avec le problème du mois, le double appel et la galère de Yanis de Nice qui a sa capote qui a craqué avec une pute juste après Jaja et Dinaz. Et quand j'arrête le pilon, je reçois toujours des demandes. Pour ça, je reprends les commandes. À l'hôtel, j'enlève son collant. Lendemain, à bord, c'est là, devient collant. J'irai là où y'a des ou ça fait. Vu qu'on consomme sur le détail, bah y'a de la paix. Kéne me demande si ça perd. Les bonhommes demandent si ça va. Bande de tapelles, on sait très bien que derrière ça pète. Cool, son rap français, Jaja et Dinaz sur Skyrock. On est de retour le dimanche soir et ça fait super plaisir avec les moments les plus dingues de la radio libre de Difool. C'est la spéciale qui se poursuit à partir de minuit. C'est Fred et DJ Case que vous retrouverez aux platines de Skyrock pour Rail Suprême, l'émission Rail de Skyrock. Problème du mois, c'est le jeudi soir. Habituellement, on se fait de temps en temps des problèmes du mois de Romano. Problème du mois express à retrouver maintenant dans la spéciale de Difool. Ils ne sont ni médecins ni psychologues, mais ils vont quand même t'aider à résoudre ton problème. Voici la séquence la plus utile de l'émission. Le problème du mois sur Skyrock. On va passer au problème du mois. Parce que les témoignages arrivent et en masse pour le problème du mois. Alors Samuel et Jean, c'est deux copains. Oui. Alors déjà de temps en temps ils mettent des films de cul ensemble et ils se branlent mutuellement. Voilà. Pour se rendre service, c'est ça les vrais amis. Et un jour en regardant un film de cul, ils ont vu deux mecs se faire prendre par leurs deux meufs avec un gant de ceinture. Ça les a mais terriblement excités. Fan. Jean a demandé à sa femme, elle est d'accord. La femme de Samuel, pff, Alors elle, vieux jeu, ça vraiment, ouais. Complètement relou. Elle est complètement bloquée. Elle aimerait avoir des solutions pour la convaincre. C'est la seule qui est normale, la femme de Samuel. Ouais, ouais, je pense, ouais, c'est ça. Ils sont tous barges autour de moi, quoi. Témoignage de Kevin de Melun, en direct avec nous pour le problème du mois. Salut Kevin. Ouais Kevin. Ouais. Comment salut l'équipe. Ça va Kevin? Ça va. Ça va. Alors Kevin, qu'est-ce que tu voulais dire pour le problème du mois, toi? Voilà, j'ai un peu le même problème que... J'ai pas de problème avec un mec, mais le problème, c'est que ouais, j'arrive pas à finir si ma gonzesse me met pas un truc dans, ouais, dans le cul, quoi. Ah ouais. Ça confirme ce qu'on disait il y a peut-être deux jours, là, sur la prostate. Non, mais ça confirme pour Kevin, c'est pas forcément pour tout le monde. Et bah, pour Kevin. Mais voilà. Kevin, alors, attends, on va quand même rentrer un petit peu dans les détails. Bah, tu peux, je pense. Bah, évidemment. Ah oui, s'il te plaît, monsieur Bidouille. Donc, Kevin, en gros, c'est qu'à un moment de la relation, donc t'es en train de niquer, tu dis à ta meuf ou tu lui fais comprendre, il faut que tu me mettes le truc dans le cul, il faut que je vienne. Ça commence plus avec des préliminaires au départ, plus un doigt qui a un doigt. Tu te fais lécher l'anus pour Ouais, donc elle te lèche un peu l'anus, bon, préliminaire classique, un petit doigt dans le cul. C'est ça, et après, ouais, en temps normal, il y a toujours deux, trois trucs. Et après, elle sort le matos, quoi. Sortent, et puis au final, soit je joue avec les gosses sur elle, et puis au final, bah. Ça a tendance à dériver sur moi. Et Mais au niveau du calibrage du god, on est à quelle dimension? Classique, ça reste classique quand même. Mais c'est-à-dire C'est-à-dire c'est pas un monstre, tu mets dans le cul, quoi. C'est genre taille d'une tub? Ouais, quand même. Une bonne bite. Ouais. Oui, c'est pas ça pas le diamètre d'un platane quand même. Non. Mais une bonne quand même. Non, mais attends, une bonne bite, faut la prendre quand même. Ah, non, ça tient un peu au départ, mais après, ouais. Et t'avais quel âge la première fois que t'as eu envie de faire ça ou que t'as fait ça? Ouais, j'avais 25 ans. Ah oui, mais le premier coup, tu t'es dit, c'est bizarre quand même, non? Ouais, ouais, au départ, tu trouves ça super bizarre. Mais tu l'as découvert comment, après... Hein? Je l'ai découvert, c'est une ex à moi qui est descendue mettre sa langue, et au final, j'ai vu que elle appréciait vraiment. C'est pas mal, dis donc, ça. C'était le bonheur. Oui. Absolument, ouais. Absolument. Et elle avait un tout petit god, et elle a essayé avec le petit god, bizarrement, j'ai apprécié, et au final, au fur et à mesure, ça a été... Mais alors, souvent une question que beaucoup d'auditeurs se posent, est-ce que c'est déjà arrivé que le god ressorte sale? Non, jamais. Un mi-cadeau. Bravo, tu as l'anus propre. Moi, j'avais une autre question qui est plus propre, d'ailleurs. Un bon trou du cul bien propre, bien récuré. Oui. C'est comment tu demandes, en fait, aux nanas que tu rencontres que, de te goder, en fait, pour terminer le truc? Celle actuellement, je lui en avais parlé avant qu'on se mette ensemble, que j'avais un peu... J'étais un peu basé aussi là-dessus. Et au final, au bout de 6 mois, c'est un peu assez lancé. Ah, mais tu l'avais dit avant? Ah ouais. Alors je te préviens, ma chérie, je suis très anal. J'espère que tu as des godes. Je ne jouis qu'avec un truc dans le cul. Et sans truc dans le cul, tu jouis plus maintenant. J'ai du mal à finir. Mais non, mais quand tu te branles, ouais, à ce moment-là, est-ce que tu te mets un god dans le cul ou alors t'arrives quand même à te finir J'arrive à me finir, ça m'est arrivé, je le cache pas, ça m'est arrivé. Ah ouais. De te mettre un truc dans le cul ou de finir normalement? Les deux. Ouais. Bah écoute, comme ça varie un peu. C'est très bien, très bien. Non, mais bon, écoute, pourquoi pas. Ah, mais écoute. Un mec, je pourrais jamais imaginer un mec, par contre. Ça, c'est pas... Ah non, mais de toute façon, absolument rien dire. Non, ça pas aussi, pas. Ah, Romano, en tant que godet professionnel, tu peux témoigner. Non, mais c'est vrai, ça veut pas dire que t'es homo. Ah non, mais pas du tout. Moi, je sais que, toi, a priori, c'est pareil, mais moi, je sais que jamais un mec, je toucherai jamais un mec, quoi, tu vois. Il y a Rajo qui nous fait qu'elle a une collègue qui gode son mec et qui lui raconte des trucs de malade au boulot. Ah bah tiens, c'est sympa. Et tu sais pas ce que j'ai fait cette nuit, t'es en train de boire ton café le matin, t'es content. Oh putain, hier soir je lui ai mis un god. Le truc est ressorti. Oh, tiens, la couleur du chocolat que je suis en train de boire. Un truc de ouf, regarde. Tiens, ça me donne envie de bouffer une barre chocolatée, tiens. Et tiens, j'ai un message rapport au problème du mois là. Oui. Jérém du 69006 qui lui est gay. Et il dit gay, mais moi les gods c'est pas possible. Mais une bonne queue c'est aussi stimulant et c'est plus chaud. Et pas des gods chauffants. Bah, tu passes au micro-ondes. Ah ouais, on l'a vu. C'est ton micro-ondes. Au grippin. Avec ta barquette de frites. Oui, c'est ça, ouais. Pour la suite, il y a Jules. Bonjour, mon cher Jules. Bonjour, Jules. Hey, Jules. Bonsoir. Comment il va? C'est Jules du 02, notre facteur. Oui. Un fidèle de chez fidèle. Alors, Jules, on appelle pour le problème du mois ce soir. Eh oui. Eh oui, Jules. On en apprend des vertes et des pas mûres. Surtout des pas mûres. Ah bon? Mais alors toi, tu as des pratiques anales? Ah mais moi, l'anus, j'adore. C'est sa vie. Ah ouais, tout va bien. Et vous avez vu, vous avez votre facteur qui vient chez vous. Ah, méfiez-vous, hein, il a des pensées parfois bizarres. En général, ils ne le savent pas, ça. Toutes les lettres chez marron, là, les lettres de sont toutes marron. C'est même les blanches, elles deviennent marron. Quoi. Tout à l'heure, quand on parlait des chaussettes et tout ça, t'avais laissé un message sur les colis, tu disais qu'il y avait des colis qui puaient. Ouais. Ça plaît, toi, non, ça. Non, mais des fois, c'est vrai, des fois, il y a des colis, c'est suspect, quoi. Ça pue. Mais je suis sûr. Et tu t'es déjà branlé dans des lettres ou dans des colis que tu livres après? Non, pas quand même. Je sais que c'est déjà branlé au taf, c'est salopard, là. Avant de faire la tournée sur le vélo. Le vélo, mais le vélodrome. Évidemment. Marie, je te mets dans la situation. Ton mec, il vient te voir, il te dit, oh, avec mon pote, on se branle régulièrement. Hein, là. Et là, on s'est dit, tiens, avec sa copine, vous pourriez nous goder tous les deux. Ah non, horrible. Alors, tu vois, Marie. Ah non, moi, ça passe pas. Ah, Jules, ça lui ferait plaisir, par contre. Hein. Ah, ta copine, elle arrive avec un god, mon Jules. Ah ouais, non, mais moi, c'est bon, moi, je suis ouvert. Je suis ouvert de tout. Très ouvert, Jules. Non, mais Jules, tu te fais goder par une meuf, par un mec, ou tu te godes toi-même? Les trois, monsieur. J'ai déjà demandé à une meuf. Ça s'est pas trop bien passé. Ouais. Par contre, ça m'est arrivé avec des mecs, oui. Ah là, ça gode. Dis donc. Et pas tout seul. Non, mon petit cochon. Hein? Ah non, mais moi, je suis ouvert de tout et de partout. Ah bah ça, on l'a bien marqué. Vive Jules le facteur. Merci, Jules. Franchement, en tout cas. Et vive la poste. Et là, j'entends tut, ça vient de Nice. C'est Yanis, de Nice. Il y avait Brice, de Nice. Il y a Yanis, de Nice. Aussi, ouais. Yanis. T'appelles pour les capotes? T'as eu quoi comme problème avec les capotes, toi, Yanis? Ouais, c'est ça. Bonsoir, l'équipe. Salut, Yanis. Salut. Coucou. Salut, l'équipe. Bah ouais, bah moi, en fait, il y a quoi? Il y a un mois et demi. Oui. Je suis parti. Je suis allé voir une pute, en fait. Ouais. Ah ouais, donc si la capote a craqué à ce moment-là. Ouais, donc t'es allé voir une pute sur la promenade des Anglais, non? Mais non, loin de là, c'est pas mon délire, bref. Ah, parce que moi j'en ai vu une promenade des Anglais. Non, mais il y en a plus. C'est des hommes ou des femmes d'ailleurs? Non, c'est des nanas. Franchement, tu sais quoi, les trois quarts, c'est des hommes. Ah, il me semblait, ouais. Parce que, ouais. Une nana qui a du rouge à lèvres, mais qui a aussi une petite moustache au-dessus. Je me dis que c'est un peu chelou, ou alors elle est très velue. Oh, il y en a. C'est exactement ça. Et c'est surtout des Amériques, enfin, des gadgets des Amériques du Sud, là, voilà. Ah, c'est des Brésiliens. Des Colombiens, des trucs comme ça, tu vois, des Hispaniques, quoi. Ça longe. Ah, fait qu'elle parle, grosse affaire. Ah, ça longe, c'est Mercedes. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Mais la pute que t'as trouvée, tu l'as trouvée où, sur Internet? Ouais, sur Viva Street. Ouais, genre une escort girl, quoi. C'est ça. Oui, quoi, c'est pute, mais bon. Oui, c'est. Ça fait plus classe, le nom. Escort girl, ça fait mieux, ouais. Ouais, je me suis tapé une escorte. Ouais, c'est ça. Alors, ouais. Genre. Pute, ouais, j'allais baiser une pute. Ouais, c'est vrai que c'est pas pareil. Alors que c'est du pareil au même, alors. C'est la même chose, oui, au final. C'est exactement, vrai. Exactement. Ouais, en fait, moi, c'est même pas que la capote, elle a craqué ou quoi. En fait, je fais ce que j'ai à faire avec la pute, et je vais me permettre, et puis voilà, quoi. Et puis sur le coup, je la baisse bien comme il faut, je la prends bien comme il faut, et puis à la fin de la passe, je me rends compte en fait qu'il y avait deux petits trous au niveau du réservoir de la capote. Ah, elle avait pas craqué. Ah, c'est bizarre ça. Elle avait pas craqué, mais elle était percée. Voilà, exactement. C'est exactement ça en fait. Mais la capote, c'est toi qui l'as amenée ou c'était une capote d'elle? Et non. Tu prends souvent des capotes avec toi quand tu vas voir des putes. Ah, je sais pas, je vais pas aux putes. Bam. Autant pour moi. Ça, c'est clair. Non, pas, c'est les putes qui ah ouais, bah moi, j'aurais pas confiance. Ouais. Tu sais que moi, je suis parano, je prendrais ma capote. En fait, si tu vas voir la pute et tu dis, ouais, j'ai pas confiance en ta capote, la meuf, elle va dire la même chose. Elle dirait, ouais, qui me dit que toi, t'as pas une capote percée aussi. Voilà. Moi, je lui dis, ta gueule, avant d'aller baiser, c'est les embrouilles. Romano, on sent le connaisseur. Non, ah oui, non, mais ça, de toute façon, moi, tu sais, je dis un truc, Yanis, moi, tout ce que je dis sur Cédric à l'antenne, c'est que la vérité. Ouais, bien sûr. Qu'on vienne me prouver le contraire. Viens dire, bah, je le jure. Non mais pour en venir, moi la meuf elle me dit ça, je lui dis écoute tu me fais pas chier, je te paye, donc je mets ma capote. Voilà. Mais sur le coup ça se passe pas comme ça. Oui. Bon, et les petits trous, donc il y a du sperme qui est sorti, des petits trous ou pas? Même pas, tu sais quoi, même pas en fait. J'ai remarqué qu'il y avait de la salive à elle en fait qui était rentrée dans la capote. Oh putain. Mais non, disons que c'est pas toi qui a. Parce que ouais, comment t'as fait pour savoir que c'était de la salive? Parce ouais, que, c'est ça. Tu sais, quand même avant de jouer, on a des gougouttes qui sortent. Et puis, ouais, c'est transparent. Et puis si t'as giclé dedans, ça, sa salive, elle se mélange. Comment t'as remarqué ça? C'est ça. Mais en fait, il faut que je t'explique. Depuis, je suis en panique. Ouais, mais comment t'as remarqué qu'il y avait de la salive à l'intérieur, hein? Ah, je pense que t'es un peu parano, mec. Hein. T'es parano. Ah, je suis un peu parano. Écoute. Bah, si tu veux, je m'invente une vie. Si vous voulez, y a pas de souci, l'équipe. Mais, y avait quoi, à la fin de la passe. Ah, mais ça peut arriver qu'il y ait des petits trous dans la capote. À la fin de la passe. Écoute, à la fin de la passe. Je finis. Et moi, quand je finis, je continue toujours par me branler un petit peu. Ouais. Et en branlant un petit peu, je vois que y a un liquide, t'as vu, je vois qu'il y a quelque chose dans la capote. Mais c'est peut-être ton, comment ça s'appelle? Ouais, t'as goût, ce que tu veux, j'avais giclé dans la capote. Après, j'enlève la capote. Écoute-moi bien, j'enlève la capote. J'ai remarqué ça, j'enlève la capote comme un fou, comme moi, comme un parano. Je vais carrément mettre de l'eau, en fait, dans la capote et je me rends compte que carrément il y avait de l'eau qui coulait. Tu vois le délire? Mais c'est pas le, ton sperme, comme tu sais, le sperme, ça fait comme des œufs quand tu le laisses traîner sur. Ça fait comme des œufs. Non, mais c'est vrai, quand tu, non, mais, quand attends. Tu gigues sur une couette, comme le fait Cédric régulièrement, puisqu'il s'essuie. Ah, ouais, je me torche dedans, c'est ouais. C'est, t'as un peu de sperme, mais au milieu, il reste le blanc, et autour, ouais, ça fait comme un œuf. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, Marie? Oui, complètement. Ouais. Mais oui, en fait, la matière, elle se dissocie du liquide, quoi. C'est ça, c'est comme un œuf. Ça se dissocie. Non, mais c'est vrai, en plus. Non, mais un autre truc aussi auquel on n'a pas pensé, c'est que si tu fais un trou dans la capote, je pense que quand tu baises, la capote, elle éclate. C'est vrai que t'es pas con. Dites-moi si ça t'est déjà arrivé, mais Cédric. Ça m'arrache la gueule de le dire, tu vois. sur le coup, t'es pas con. Hey, Yadis, t'as réconcilié Cédric et Romano. Non, mais ouais, tu vois, t'as. Mais sur le coup, c'est quoi? Sur le coup, c'est ce que tu fais, prendre capote, roule avec une aiguille, et puis baise, et tu verras si la capote elle se nique. Oui, non, mais je vais pas le faire, ça. Ou alors tu le testes avec ta meuf quand tu baisses pas. Tiens, Romano, fais le test avec Ariole. Ouais, non, mais bon, si la capote elle éclate, tu crois qu'elle a envie de se retrouver avec des bouts de capote dans la chatte? Tu feras le test de Yannis. Tiens, non, mais c'est pas un cobaye, quoi, tu vois. Je lui dis, ouais, attends, on va faire un truc génial. Alors, on va faire deux trucs. Déjà, je mets une capote et je la laisse à l'intérieur. Ouais. Et de deux, je prends une capote, je fais des trous dedans. Ouais. Et on voit tu si c'est pour l'émission. On voit si ça éclate et éventuellement si t'as des résidus de capote qui restent dans ta chatte. Ouais. Et je pense qu'elle va dire oui direct. Je suis sûr, moi aussi, ça va beaucoup l'amuser. Non, mais évidemment. Elle va sauter de joie. Tiens, pour Yannis, on nous dit qu'il suffit de rien pour que ça féconde, même un petit trou et des trucs qui passent et ça peut. Ah non, mais des fois, il suffit de baiser une fois et qu'il y ait deux gouttes et la meuf, elle peut tomber enceinte. Il suffit qu'elle soit dans la période d'ovulation et bam, dans le. Et hop, tu te retrouves avec un gosse sur les bras. Et là, c'est cadeau. Et allons-y, double appel. Non, c'est vous qui nous appelez, monsieur. Aucun des deux n'a appelé l'autre. Ouais, bah moi je t'emmerde. Le double appel de Difool sur Skyrock. Bah, et moi alors, c'est pisse au cul, hein. Eh bah c'est gentil comme tout. Bah, voilà. Merci ma bonne dame. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Et attention, c'est donc parti pour le double appel partout, dans toute la France. On peut appeler, on appelle. Vas-y, prépare-moi, j'ai des sons de Cédric, j'ai des sons de la Marie. Tiens, j'ai des sons de la Marie, on a sorti. Salut les filles. Des sons de Cédric, des sons de Patrick. Est-ce que Patrick est dans le coin? Romano, tu l'as avec toi ou pas du tout? C'est bon. Absolument, oui. Ah, très bien. Patrick est là. Bien sûr, ouais. Bien sûr. Bon, bah écoutez, c'est parti. Où c'est qu'on va ce soir? Allez, on va Samy. Dans le 62 et dans le 30. Dans le 62 et dans le 30. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Avec les numéros que vous nous laissez, hein. Vous pouvez laisser vos numéros pour le double appel toutes les soirs, entre 21h et 18h. Alain et Jean-Claude. Vous marquez double appel, vous dites qui c'est qu'on appelle. Et là, on essaye Alain et Jean-Claude. Ouais. C'est bon. Allô? Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui? Allô? Allô? Oui? Allô? Allô? Allô? Oui? Allô? Vous demandez qui? Vous demandez qui? Personne. Ah bah faut pas appeler alors. Comment? Faut pas appeler alors. Bah oui. Non. Ouais non, c'est encore les trucs de radio. C'est allô? J'ai une bonne bite là. Non, c'est pas un truc de radio, c'est un truc de Skyrock. Ouais, quand même. C'est quand même, c'est quand même pas la même chose. Cruel, lui. C'est quand même pas du tout pareil. Ce n'est pas n'importe quelle radio. Petite mise en contact, mais rapide. Oui, mais bon, petite mise en contact quand même. Ce qui fait quand même toujours plaisir. Allez, il faut bien le dire. Alors, chez qui qu'on va? On va chez Jean-Jacques. Et Jean-Jacques. Chez Jeanne. Et Jeanne. Oh, Jeanne et Jean-Jacques. Jeanne et Jean-Jacques. Attention, le double appel, vous le savez, c'est sans filet, c'est sur Skyrock. Attention. Allô? Oui? Bonjour. Bonjour. Oui? Patrick. Patrick. Allô? Qui c'est Patrick? Qu'est-ce que tu veux? Rien. Et pourquoi tu m'appelles alors? Oui, ben, je vous écoute. Qu'est-ce que tu veux? Ben, je vous appelle pas, c'est vous qui m'appelez là. C'est avec ton copain là? Mon mari, mais c'est Patrick qui, Patrick? Patrick. C'est Cédric. C'est Patrick ou c'est Cédric? Patrick. Patrick, c'est votre nom. Oui, qu'est-ce que tu veux? Tu commences à me casser les couilles, mais t'as vu trois fois, tu m'appelles. Oui, mais c'est pourquoi? Moi, je t'appelle pas. Oh. Bah, je peux quand même savoir pourquoi. Et je voulais entrer dans le Guinness Book des records. Super, Cédric. Bon, n'importe quoi. Bon, allez, les bêtises, ça suffit comme ça. Bello? Oui. Ils sont occupés de toi, là, pendant ton anniversaire. Tu vas te faire éculer, connasse. On aimerait bien te toucher. Oui, c'est ça. Tu vas te faire éculer, connasse. Connasse, allez, hop là. Et un pour Cédric. Et un pour la Marie. Magnifique. Un connard. Tout le monde est sien. La spéciale du dimanche soir, le meilleur de Difool. What the fuck? Jusqu'à minuit sur Skyrock. Et on était de retour en ce dimanche soir sur Skyrock. On était super content de vous retrouver pour la spéciale, les moments les plus dingues de la radio libre à se faire tous les dimanches soirs sur Skyrock. À partir de 21h, des remerciements pour terminer l'émission. Un gros big up à vous toutes et vous tous, tous ceux qui ont poussé l'émission sur les réseaux sociaux, toute la bande sur Twitter, Léo du 84, il y a Defray, il y a Jules du 02 que vous avez entendu il y a quelques minutes avec l'histoire du problème du mois, la Schtroumpfette, Lilou 19, à tout le monde. Donc voilà, ceux qui ont cliqué également un petit peu partout sur les réseaux sociaux, les pages Skyrock, les comptes. Vous connaissez, un big up également à Anthony du 59. Il est en voiture, il a fait un pari que sa dédicace allait passer sur Skyrock. Il fait une dédicace pour Gwendo, Aline et Fabienne. Mon bon Anthony du 59, ton pari, il est gagné. Steven également, c'est son anniversaire. Il fête ses 15 piges aujourd'hui. Voilà, il reste encore 15 secondes pour lui souhaiter un bon anniversaire. Big up à toi, mon Steven. Difool et Romano à retrouver en direct demain matin, la grande rentrée de Skyrock avec le morning demain matin entre 6h et 9h. Ça sera parti pour 3 heures de show, 3 heures de conneries, 1 500 € à gagner toutes les 30 minutes, hein, les inscriptions tout au long de la nuit. Vous envoyez 1 500 au 7 20 20 dans la roulette. Il y aura des places à gagner pour la tournée Skyrock de Maître Gims. Pour terminer l'émission, je vais simplement vous offrir des places de ciné. Il m'en reste encore pas mal à vous offrir. Mécanique Résurrection avec Jason Statham et Jessica Alba, ça sort mercredi au ciné. Voilà, profitez, hein. Il est minuit, il y en a qui dorment, donc voilà, les places de ciné, elles sont pour vous. Vous laissez prénom et numéro de téléphone, 41 7 5 9, on va vous rappeler, allez, jusqu'à minuit et demi. Voilà, on essaye de rappeler le plus de monde possible. Mécanique Résurrection a gagné au 41 7 5 9. On rappelle la victoire de Monaco contre le PSG 3-1, et là on laisse l'antenne. Il est grand temps de retrouver Fred et DJ Case pour 2 heures de rail. Passez tous une bonne nuit, c'est Rail Suprême sur Skyrock. Passe de bonnes vacances. C'est Rail Suprême sur Skyrock. Let's go. Rail Suprême. 2 heures, DJ Case, ambiance avec tous les sons du moment sur Skyrock. Are you ready? I'm

الناس طلياني يا بابور يا من أمور خرجني من الله بزير بلادي راني محبور أي تعييت وجوري مار من رديش مكافر في بلادي صافي روندو إرداني السيف ميكي جزوية تستمع لي يا جوري نوي يا بابور يا من أمور خرجني من الله بزير إفرجوش ليش Moi je suis de Californie, en fumée 350 PNJ sur les bords de la corniche. Habchine et Merli, j'ai rien à perdre. Rien de calme, malade mental, plus connu que le hedge, je m'en bats. Je voudrais passer les aînés à ma bien-aimée avant que je taille. Comme chef Hesney, je suis sentimental. Partir loin, rien à perdre, riposte, nous lâchez pas. Laissez-moi de toi, comme Robinson sur une île. Mon mouton, j'appellerai mercredi. Et dès que l'avion atterrit, j'applaudis. Comme les Chibéni, je vous rends la carte résidence. Un moment d'évasion, Yarma, laisse-toi et danse. Ça fait plaisir. Et à Babour, y'a mon amour. Khrajni, m'en la misère. Bilali, m'lali, m'hadour. Aïe, taïe, toujours imar. M'en la vie, j'm'en casse. Bilali, ça fait longtemps. Et d'un essai, j'm'y qui j'y suis. C'est Rail Suprême sur Skyrock. BJK et au platine. Minuit 2h. Dans Rail Suprême sur Skyrock. Thank you.